works a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! Did he get it? He got it! It's down! It's down! He did it! He did it! He did it! That's play. Here's a shot! Henderson made a wild stab work spell. Here's another shot right by the shore! Et c'est gardé. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour la Rougière. The ball is still loose as they get it to Rogers. Oh, the man is out on the field. He's going to go into the end zone. He's got it. No. The man have won. Bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite dont on a une voix de marde de parti. ça va bien puis Alec? Ça va très bien toi. Ouais, quand même. Ça s'entend que ça va bien, hein? Ouais. Hein? Écoutez, ce matin, pourquoi qu'on fait une intro de ce type? C'est la simple raison et la suivante. Moi et Alec, nous étions au jeu de la communication je dis tout le temps en fin de semaine, mais écoute, c'est toute la semaine. On a démarré, on est parti du QTR ici, il était minuit mardi soir. Mm. On est revenu dimanche soir. C'était quelle heure? 8 heures à peu près? À peu près 8 heures. Dans ces environs-là. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les jeux de la communication, selon la définition officielle, bon ben c'est des jeux qui regroupent les communicateurs des universités francophones canadiennes et qui vont les opposer dans des épreuves visant à aller chercher les habiletés où est-ce que les habiletés que les communicateurs doivent avoir. En réalité, c'est comme un gros party, une grosse brosse de 4 jours avec une épreuve un moment donné pendant ce temps-là. Hein, ça, je pense qu'on peut dire que c'est ça. Et c'est ce qui explique pourquoi moi et Pierre-Luc, depuis 2 jours, on est sans voix. 3 jours même, quasiment. Ouais, on est rendu à 3. Ouais, on a la voix maganée. Là. Hier, j'ai fait une nuit de 14 heures de sommeil. J'en suis très content. Ah, moi, même pas encore, malheureusement. J'ai hâte d'avoir ma première bonne nuit de sommeil. Je te le souhaite. Tu vas voir, mon gars, ça fait des miracles. Hey, on n'était pas là la semaine passée. On était, comme je vais dire, au jeu de la communication. Donc, il n'y a pas eu d'émission. À Moncton. Hey, c'est longtemps. Hein, c'est loin. Non, c'est plate, genre. Du bois, encore. Puis on n'a pas visité Moncton. Je veux un peu le centre-ville, mais c'est pas comme si on avait pu aller voir une game des Wildcats ou quelque chose comme ça. Hein, on n'avait aucun temps libre. Donc, on n'était pas là. On va quand même avoir beaucoup de choses à vous parler dans l'actualité sportive, que ce soit junior majeur, t'as quand même gros du stock, toi. Ouais, bien sûr. La saison se termine bientôt. Très bientôt, en fin de semaine. On va parler des Patriotes du QTR au hockey qui ont été éliminés de la finale à OUA. Donc, c'est McGill qui l'a emporté le duel. Donc, encore une fois, les Patriotes sont victimes de leur bête noire, les Redmen de McGill. Par contre, la saison n'est pas encore terminée pour les Pats. On va en reparler. Vous allez savoir pourquoi. Aussi, Patriotes soccer qui est en série. Patriotes masculin au soccer. On connaît une belle progression. On termine 5e au classement. Ça regarde bien pour eux. C'est intéressant. Donc, on va regarder ça. À part de ça, on va revenir un petit peu sur les Olympiques. JP Grenier va être là. Il va nous parler 3 ou 4 sujets. On a plein de nouvelles. On vous parle de ça. Donc, allons-y. On va y aller. Écoute, Pierre-Luc avec les Patriotes. Ben, certainement. Ça te va, ça? Donc, les séries, les fameuses séries qui opposaient les Pats avec McGill la semaine dernière, c'était un 2-3, on l'avait dit, ça débutait ici même à Trois-Rivières. On espérait le mieux pour les Pats, on l'a dit, les 3 dernières saisons, l'équipe a été sortie par les Redmen en série. On s'attendait, il y a beaucoup de blessés aussi chez les Patriots, des joueurs qui jouent à Moshé, qui ne seraient peut-être pas en uniforme dans la saison normale. On sait qu'au niveau des classements et tout, bon ben les Patriots ont remporté le championnat de la OUA devant justement les Redmen, 48 points contre 44 pour les Pats. Donc on pouvait pour une fois espérer que la la donne change, que ce soit pas identique, tu sais, des choses comme ça. Ça n'a pas été le cas, comme je viens de dire. Le premier match a été disputé mercredi dernier, ici même, au Colisée de Trois-Rivières. C'est une victoire de 3-2 des Redmen de McGill. Dans un match, bon, les Redmen ont fait 46 tirs, les Pats 30. Qui est donc un match qui a quand même été dominé par les Redmen. Jean-Christophe Blanchard a réalisé 43 arrêts. Les buts, c'est Pierre-Luc Lessard. D'ailleurs, Pierre-Luc Lessard qui a été toute une force durant cette série. On va en revenir tantôt. Le défenseur de première année chez les Patriots. Un aide à l'évêque. Mais McGill fait 3 buts pour venir vraiment mettre un bon coup de poing dans le ventre des Trifluviens. C'est Gazdick, c'est Marcotte Légaré, c'est l'excellent Francis Véropol, joueur par excellence de la OUA cette année, qui vient faire son 7e des séries. 3 buts en avantage numérique, donc les pénalités coûtent très cher. Ces buts-là, vois-tu, c'était sur une pénalité Désilet, donc le capitaine des Patriotes qui a malheureusement écopé d'un 5 minutes de pénalité pour avoir donné un du genou et une inconduite de partie. Donc, pauvre lui, pour Nicolas, ça n'a pas été... bon, j'ai pas vu le geste, mais pas tout à fait l'exemple qu'un capitaine veut donner, un co-capitaine veut donner. Par la suite, Marcotte Légaré, bon, ben, c'était sur une pénalité à... Pierre-Luc Jonca. Et sur celui de Francis Véropol en deuxième période, une pénalité à Guillaume Chicoine. Finalement, en troisième période, dès le début de la troisième période, bon, les Patriots, c'est-à-dire on sort fort. C'est Alexandre Blais qui fait son 4e de la saison, une aide à Demers et une aide à Leblanc. En avantage numérique aussi, 3-2, malheureusement, on n'a pas réussi à venir mettre la marque 3-3. Les étoiles de du match, c'est Alexandre Picard-Hooper, la première, Pierre-Luc Lessard, la deuxième, et Sébastien Rioux, la troisième. Donc, 2 étoiles pour McGill. Lessard, comme je te dis, 1 but dans le match. Hey, bonne petite foule, par contre, 564 personnes au Colisée, donc grosse amélioration. La moyenne est à peu près 2,20-2,30 dans la saison. Et maintenant, bon, ben ça se transporte vendredi, on s'en va à McGill. On s'en va dans le McConnell Arena. Écoute, 1656 personnes au McConnell Arena. Je savais même pas qu'il rentrait autant de monde que ça au McConnell. Donc, très surprenant comme foule. Pas très surprenant, mais très... m'encourageant, je pense. On peut-tu dire ça? Ouais. Une foule comme ça, ben oui, c'est sûr que t'es à Montréal, tu sais. Même le junior de Montréal a de la misère à faire des foules de même, des fois, tu sais. Ouais, c'est certain. Bon, ben, les Redmen sortent fort. Ça se termine par la marque de 7-4. On peut pas dire que Jean-Christophe Blanchard a eu son meilleur match, parce que les tirs sont 30-30. Donc, très difficile, surtout. Très difficile première période pour lui. 4 buts pour les Redmen en première période contre un seul pour deux plutôt pour les Pats. C'est Picard Hooper qui ouvre la marque, son 2e de la saison. Par contre, l'UQTR va avoir pris les devants dans ce match-là. Francis Charland qui fait son 3e avec des séries avec belle avance Martin et Lessard les aides. C'est Olivier Donovan qui fait son 4e. Lui, très bonne série de la part d'Olivier Donovan. A su élever son jeu. En séries éliminatoires, alors qu'il y avait plusieurs blessés, 6 points en 7 matchs, donc excellent pour lui. Désilet et Bellefleur les aident. Par contre, c'est les vannes du barrage qui sauvent après. Francis Véropol à 15-9 en avantage numérique. Wright à son 2e des séries à 16 minutes 59. Et Dorion à encore avec des aides à Véropol et Picard Hooper, les 2 buts à 19-24. Donc, Picard Hooper, Véropol, vraiment dominants qui font produire à peu près tout le monde sur leur équipe, ça paraît. En deuxième période, ça se continue. 2 buts de plus pour McGill. Donc, c'est Rio qui vient de faire ça fait la marque 5-2 plutôt. Et l'Angelier Parent vient faire 6-2. Ça va pas bien. Par contre, Alexandre Blais vient faire son 5e des séries. Les aides à Lessard et Chicoine encore en 2e. En 3e, c'est Breton, J.S. Breton qui fait son 2e. Charlin Lessard. Donc, on est rendu 6-4. On espère peut-être. On retire le gardien. Ça n'a pas été assez. Francis Véropol, encore lui, qui vient faire son 9e des séries. 18-32 de la 3e, le but était désert. Donc, vois-tu pour Francis Véropol en série, là, combien de petits points tu penses, Francis Véropol? En série? Oui, en 7 matchs. Je pourrais te dire peut-être 7. 7 en 7 matchs? Non. Grimpe ça, gros. Grimpe ça. 2 points par match, 14 points au total, Véropol, qui mérite vraiment son titre. C'est une première année en plus, Francis Véropol. Je me trompe. Non, c'est une deuxième année, pour être précis. Lui qui sort de Chicoutimi, on fait une couple d'années qui est sorti de Chicoutimi. Ouais, je dis 2 ans, mais c'est peut-être 3. Tu peux-tu, sais-tu? Peut-être 2 ou 3 ans, on pourra aller vérifier ça. On va aller vérifier ça, tu me sors ça, s'il te plaît. Donc, c'est ça. Au niveau des avantages numériques, bon, ben, c'est encore ça qui a fait mal. 1 en 4 du côté des Patriots, tandis que 4 en 5 du côté des Redmen. C'était vraiment, tant qu'à moi, l'histoire de la série, entre autres, les pénalités. Vois-tu, dans l'autre match d'avant, ça avait été 3 en 7 pour les Redmen, tandis que 1 en 4 pour les Patriots. C'est l'indiscipline un peu des Patriots. Mais ça en dit l'indiscipline, mais parce que 5 pénalités, c'est pas beaucoup, mais vraiment l'opportunisme des Redmen qui est venu couler les Patriots en tant que tel. Donc, ça se termine comme ça pour les Pats dans cette série-là. Malheureusement, comme je disais, par contre, c'est pas terminé pour les Pats. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. De l'autre côté, Lakehead qui reçoivent la Coupe Université cette année, affrontait Western dans la division Ouest. Donc, au niveau de ça, ce qui arrive, c'est que si Lakehead, en recevant la Coupe Université, a sa place assurée, un peu comme à la Coupe Memorial, ce qui arrive à chaque année, l'an dernier, c'était Rimouski, était assuré de faire les séries. Bon, en recevant ça, Western, s'il l'emportait, bon, ben, Lakehead rentrait en Coupe Université, Western et McGill. Western a perdu les séries, OK? Donc, vois-tu, là, au niveau des pointages, c'est terminé en 3 matchs. Ça a été Western qui a remporté... Lakehead a remporté la première 4-1 et a remporté la deuxième 5-2. Je me suis trompé, moi. Oui, excusez-moi. Western a remporté en 2. Lakehead a remporté en 2. Donc, ça s'est terminé comme ça, 4-1 et 5-2. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir un match suicide, ici même à Trois-Rivières, ce samedi, 19h, entre les Pats et Western. Le gagnant accède à la Coupe Université. Donc, tu sais, quand est-ce que ça t'arrive dans les sports d'avoir une deuxième chance? Très rare. Très rare, fait qu'il faut en profiter, je pense. Faut en profiter. Puis j'imagine les joueurs sont conscients aussi, ça va laisser peut-être le temps aussi à quelques petits bobos de se réparer un peu. Ça serait un très très beau scénario de voir les Pats revenir à la Coupe et battre McGill. Ouais, c'est ça, je me disais, moi tout, ça serait vraiment beau parce qu'ils sont capables, les Pats. Là. C'est pas ça qui est le problème. Là. Ils sont capables de battre les Redmen, mais ça n'a pas, encore une fois, c'est en série où est-ce que ça s'est décidé. J'espérais cette année en étant, parce que là, ça fait quoi, ça faisait 14 ans, je pense que c'était Martin Raymond, l'entraîneur des Redmen de McGill. Ouais. Ça ne l'est plus cette année, c'est j'ai un blanc sur, désolé, là, j'ai un blanc pour l'entraîneur des Redmen. Jim Webster. Donc, pour lui, je me dis, en ayant un nouvel entraîneur, peut-être que la dynamique en série sera pas la même. Les Pats vont peut-être être capables de faire quelque chose d'intéressant en tant que tel. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, on va voir ce que ça peut donner. C'est vendredi. Écoute, Western comme équipe, quand même une très bonne équipe, mais qui semble avoir eu des problèmes au niveau de ses gardiens cette année. On en parlait au début de l'année, Anthony Grieco, qui avait des chiffres vraiment qui démolissaient toute la ligue au complet. Malheureusement pour lui, c'est une bonne blessure au genou qui le garde en dehors des séries carrément. Même il a manqué la plupart des séries. Vois-tu, Grieco a gardé les buts. Je vais essayer de te sortir ça, Grieco. En tout cas, je vais te dire, je te trouverai ça un moment donné. Là. Ah oui, certain. Ah oui, certain. Mais vois-tu, donc, en ayant gardé ça, bon ben, c'est le gardien présentement à Western. C'est un nouveau, c'est Kevin Hunt, qui a quand même très bien performé le nouveau parce que c'est une première année. Des bonnes statistiques, c'est pas Grieco, mais c'est quand même très, très bien. Donc, on va voir ce que ça va donner là-dessus. C'est une bonne équipe. C'est une équipe qui est capable. Vois-tu, ils ont affronté les Pats une fois cette année. Ça s'est terminé 5-1 en faveur de Western. Comme je dis, ça sera pas facile en tant que tel pour les Patriots, mais pas du tout. Ce match-là va être diffusé sur TV Cogeco. Encore une fois, TV Cogeco, beau petit partenariat avec les Patriots. Cette année, tous les matchs des séries locaux ont été disputés ici, même à Trois-Rivières. Donc, ça se continue comme ça? Ben, je suis étonné, moi, je dis comme de la fouille quand même. 564 personnes, c'est bien. On va voir à ça. On va couvrir ça ici, même l'inconduit de partie. On va aller fouiller là-dedans pour essayer de voir ça. Ça serait le fun d'aller au championnat national quand même. Ça, bien sûr. En plus, ça nous donnerait du stock à parler pour deux, trois semaines de plus. Hey, je vais te parler des équipes un peu qui se sont rendues à la Coupe Université. Tu te rappelles, je t'avais parlé de l'Université du Nouveau-Brunswick. Tu te rappelles un peu comme, qu'est-ce qu'il y avait comme saison, eux autres, cette année? Ouais. Ouais. Ça se dirigeait vers une saison parfaite alors qu'il ne restait que deux parties. Il y avait parti contre San Francisco Xavier ou Saint-Francis Xavier, si vous n'avez pas un accent anglophone comme moi. Donc, it's a must. Mais, donc c'est ça. Termine la saison 27-1 plutôt dans leur performance, leur fiche. Merci. Donc tu te dis en série devrait être très dangereux, ça devrait être quand même très facile pour presque eux. Presque une fiche parfaite. Ils se sont fait éliminer en série par Saint-Francis Xavier eux autres mêmes. Donc très très très difficile pour eux. Vois-tu, tu tombes de haut, UNB. Puis UNB, là, c'est des grosses foules, c'est 2-3 000 personnes par game facile. C'est un très gros programme de hockey. Quoi, tu passes? C'est à cause de UNB s'il n'y a pas de hockey junior à Frédéric Thune, parce que, tu sais, on s'entend-tu que, vois-tu, les. Tu sais, un club comme Île-du-Prince-Édouard qui va quand même moyen ou. Bécomo, à Cathy Batters, surtout, ouais, c'est le club que je cherchais. Cathy Batters, si ça n'irait à Fredericton, t'es sûr d'au moins 3000 personnes par game. Ouais, là, le, plus. Mais non, ça va très bien. Donc, c'est pas encore terminé là-bas, ou du moins, je ne crois pas que ça l'est. Pardon, ça vient de se terminer, je viens d'avoir mes statistiques devant moi. San Francisco Xavier a affronté St. Mary's. St. Mary's, Mike Denton. Je pense que ça va être bon, ça, que Mike Denton soit à la Coupe Université. Ça va faire de la pub quand même assez gratuitement. On peut y penser, là, dans le fond, que quelqu'un qui vient représenter comme ça, bon, c'est sûr qu'on connaît son passé de prisonnier, exactement, là, avec ce qu'il avait fait. Mais c'est ça. Donc, St. Mary's va passer. Ensuite, dans l'Ouest, c'est Alberta, les Pandas de l'Alberta qui, bon, encore une fois cette année, faudrait juste sortir. Ils sont là depuis je sais pas combien d'années. Alberta, là, sont très dominants dans le domaine. Donc, les équipes qui vont être là, ça va être Alberta, Lakehead, McGill, le gagnant de UQTR contre UWO, Western Ontario, et St. Mary's. Donc, j'ai très hâte de voir comment ça va se dérouler. Ça va être très intéressant. Donc, ça va être tout pour le hockey cette semaine. On va passer au soccer. Juste avant, je vais te parler, on avait parlé de Pierre-Luc Lessard. Bon, ben, patron de la semaine, Pierre-Luc Lessard cette semaine, la recrue de la formation de hockey qui a obtenu 1 but et 3 passes dans la finale contre les Redmond de McGill. 4 points pour un défenseur en 2 matchs, c'est très bon, hein. Il a marqué le premier but du premier match, 3 passes dans l'autre match. Et lui, Pierre-Luc débute un baccalauréat en administration des affaires, donc ici pour encore quelques matchs. Lessard, je pense qu'il avait joué. Il a joué junior majeur. Il a joué dans East Coast aussi, si je me trompe pas. Donc, très bien pour lui. Des bonnes aptitudes, vraiment. Pierre-Luc est un joueur à surveiller dans le domaine. Allons-y avec le soccer. Bon, ben, les Patriotes féminines qui clôturaient leur saison, c'est cette fin de semaine. Ils affrontaient les Montréal, l'Université de Montréal, bon, ici même à Trois-Rivières. On sait que Montréal, c'est quand même un bon club. Ça s'est terminé 2-0 pour Montréal. Donc, encore une défaite pour eux. On peut pas dire que ça a été une très bonne saison de la part des filles cette année. En 7 matchs, ils ont une fiche d'une victoire, 6 défaites, ce qui est vraiment un ralentissement par rapport à l'an passé. Et Pierre-Luc Lessard en parlait, il était repêché par les Sénateurs d'Ottawa. Donc, c'est l'information que je cherchais. Moins 14 au niveau des buts. Chez les Pats, on commence les séries. C'est la fin de semaine prochaine. Ça va se tenir au complexe multisport de Saint-Eustache. Donc, ils vont affronter les Martlets de McGill. La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, ça s'était terminé 6-0. Donc, ça va être quand même très difficile. Je parierai pas là-dessus. Donc, c'est ça. Au niveau des séries, vois-tu, il va y avoir 2 matchs ici même à Trois-Rivières en première ronde dans les quarts de finale. UQAM va affronter Laval et Concordia va affronter Sherbrooke ici même au centre Alphonse Desjardins. Surprenant. Ben, j'imagine que probablement que les terrains n'étaient pas libres à Québec et à Sherbrooke, là. C'est tout ce que je peux voir comme raison, parce que normalement, tu essaies quand même de faire ça à domicile. Montréal va affronter aussi Bishop au même endroit que les les Patriots vont affronter McGill, donc les matchs vont se suivre un après l'autre. Donc ça va être intéressant. Chez les hommes, par contre, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Les statistiques sont vraiment supérieures pour eux. Chez les Pats, vois-tu, les hommes étaient en action en fin de semaine aussi. Ils ont fait un revers, plutôt un match nul étonnant contre les Carabins de Montréal. Le but des Patriots est venu de la part du pied de Abdoulaye Kanté, encore lui, comme d'habitude, qui dispute un très match. Nicolas Benoit aussi, qui était nommé joueur du match. Le défenseur, encore une bonne fiche pour lui. Et donc, c'est ça pour les Patriots qui entrent en série, terminent en cinquième position. Vraiment une progression constante de la part des Patriots. Très, très, très bon. Donc, on finit avec une fiche de 2 victoires, 3 défaites, 1 nul, 6 points. On finit devant l'Université de Sherbrooke avec... j'ai dit 6 points plutôt, c'est 7 points. L'Université de Sherbrooke a 6 points, ce qui va permettre aux Patriots d'affronter les Redmen de McGill. Ça va se tenir dimanche, ici même, à Trois-Rivières. Donc, au moins, les hommes vont disputer le match à Trois-Rivières. Donc, on va avoir plusieurs matchs dimanche prochain, ici même à Trois-Rivières, le 14. Donc, c'est à 16h. On va pouvoir suivre ça ici. Puis, l'inconduit de votre partie va vous donner un maximum de résultats là-dessus. Alors, ça va en musique. On va aller écouter une petite chanson extérieure. Ça s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Vous écoutez l'inconduit de partie sur les ondes de C'est Fou. Portion d'apprenti qui suit les traces du guerrier. voulez bien me dire ce que vous faites là? Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Alors, c'était extérieur avec le Seigneur des Anneaux. On y va tout de suite, Hockey Junior, puis à Luc, avec ta douce voix sérupeuse de de cette semaine, lendemain de jute. Comme on l'a dit à la maison, vous allez à la maison, en automobile, sur vos iPod. iPod, t'as-tu la radio à Star sur iPod? Ouais, il y en a qui, oui. Il y en a qui ont ça sur vos lecteurs MP3, où les gens, ils ont encore un beau Walkman Sony jaune. Ou tu sais, il y avait eu un modèle, c'était comme des écouteurs avec une antenne, là, tu me suis, là? C'est jaune, mais t'avais juste l'écouteur, genre, tu rentrais ta batterie sur le côté, t'avais ton antenne. Comme, ouais, je pense que c'est de quoi tu parles. Tu sais, une grosse antenne de style walkie-talkie, tu sais, longue. Tu sais, quand déjà, on avait des walkie-talkie qui pognaient nulle part, pis tu comprenais pas, sauf le mot Joe, tu sais. En tout cas. Salut, Joe. Ouais, merci, Joe. Merci, donc, Joe, d'être à l'écoute ce matin. Alors, on remercie tous les Joe qui nous écoutent ce matin et qui ont peut-être accroché. Qui ont peut-être un Walkman. Ouais, c'est ça. Avec jaune, une antenne. Avec antenne. Donc, c'est ça. Si vous trouvez qu'on a une voix de merde ce matin, c'est qu'on a une très difficile fin de semaine, 5 jours à Moncton au jeu de la communication. Donc, désolé pour notre ton de voix, mais on fait notre gros possible ce matin. Pierre-Luc, junior majeur. Oui. La saison tire à sa fin, vraiment, on en a parlé. Pour les Cataractes de Shawinigan, écoute, qu'est-ce que tu penses de la fin de saison un peu? Oui, je vous dirais que c'est entre les deux. Je te dirais que les Cataractes ont montré quand même beaucoup de caractère, je te dirais, à la mi-saison, quand on est revenu du temps des fêtes. Et là, fin de saison, je te dirais que c'est plus difficile. Si on regarde les 10 dernières parties des Cataractes, ils ont seulement 2 victoires, 7 défaites, 1 défaite en fusillade. Donc, c'est seulement 2 victoires en temps réglementaire, en 10 matchs. Pour terminer la saison, c'est pas ce qu'il y a de mieux là, avant d'affronter une grosse équipe comme les Tigres en séries éliminatoires. J'avais parlé que les Cataractes pourraient être une surprise en série, pourraient vraiment venir éliminer un club peut-être comme Drummond. Là, on savait pas si ça va être Drummond ou Victoire à ce moment-là. Je commence à l'hésiter pas mal, ouais, celle-là. Je pense que ça va être pas mal très, très difficile pour eux. Là. Ben, surtout si c'est contre les Tigres qu'on affronte. Ouais, c'est ça. Ça sera pas facile. Ben, ils ont affronté les Tigres dernièrement, puis ils ont perdu 3-2. Donc, tu sais, ouais, c'était quand même. On sait jamais. Du hockey de série, c'est du hockey de série, mais quand même, il y a de moins en moins de surprises en première ronde, par exemple, dans la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. Hein, ouais. Avec les clubs tellement boostés par rapport à d'autres. C'est ça, c'est beaucoup très, très, très surtout différent. Cette année, ça devrait être très étonnant s'il y a quelqu'un qui se fait renverser en première ronde. Ouais. Donc, on parle un petit peu de la semaine des Cataractes. Tout d'abord, vendredi dernier, les Cataractes étaient à Val-d'Or pour y affronter les Foreurs. Et ça a très bien été pour nos Cats, eux qui ont remporté une première victoire là, dans leurs 6 derniers matchs. C'est la première période qui a été vraiment excellente pour eux. Antoine Haute-Caron, Pierre-Alexandre Vandal et Jean Foulé-Fouché ont chacun enfilé un but pour faire 3-0 pour les Cats. En deuxième période, Fouché qui compte son 2e de la partie pour donner l'avance 4-0 au sien. Mais finalement, c'est Olivier Archambault qui va réduire l'écart du côté des Foreurs pour faire 4-1. Et Charles-Olivier Roussel, Philippe Paradis, il va avec un premier but dans le match, 5-1 Cataractes. Et finalement, la marque finale en 3e période, ça se terminera 6-2 pour nos Cataractes. C'est Charles-Olivier Roussel qui a compté le dernier but des siens. Donc, et du côté des Foreurs, c'est Jonathan Hazen qui a été le buteur. Les Cataractes ont largement dominé dans le match, eux qui ont dominé 52-29 au chapitre des tirs. Je voudrais que les avantages numériques aussi, les Cataractes ont profité de beaucoup de chance en l'avantage d'un homme. Pourtant, ils ont compté seulement 1 fois en 8 avantages numériques. Donc, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Mais ils ont quand même remporté la victoire 6-2. C'était Gabriel Girard qui était devant les buts pour les Cataractes. Lui qui était le 2e gardien des siens. Il faisait face à Jacob Gervais-Chouinard qui a été remplacé là, en fin de match par Raphaël Dorsault. Après le 4e but des siens. Donc, victoire des Cataractes, 6-2 à Val-d'Or. Je pense que ça a vraiment fait du bien aux Cataractes parce que là, dans les derniers temps, c'était pas facile. Ouais, en effet, tu sais, pas comme on dit. Puis, tu sais, t'as eu la perte d'Olivier Ouellet aussi qui est venu. Ouais. Tu sais, il était quand même 1 point par match. D'abord, c'est toute une série de petits coups comme ça qui font que les Cataractes ont de la misère à terminer la série de façon. de façon convenable. Moi, peux-tu utiliser le mot convenable? Ouais, ça donne Ça a bien du rapport. ensuite de ça, samedi, il se rendait à Rouyn-Noranda pour affronter les puissants Huskies. Donc, les Huskies, on sait qu'ils, eux, bataillent probablement là, pour la troisième place avec les Remparts de Québec pour obtenir l'avantage de la glace. Parce qu'on sait, dès la deuxième ronde des séries, l'avantage de la glace commence à être très, très importante. Donc, une très grosse course entre les Remparts et les Huskies pour l'obtention du troisième rang du classement général. Et les Huskies, qui l'ont emporté sur nos Cataractes par la marque de 3-2, c'est Dimitri Kostromilin, Jordan Caron et Christophe Lozier qui ont été les buteurs du côté des Huskies. Et du côté des Cataractes, c'est Philippe Paradis et Alexandre Vandal qui ont été les buteurs. Dimitri comment? Kostromilin. Kostromilin, tu veux, ok, j'avais juste l'impression que tu voulais acheter des syllabes, c'est... Non, c'est comme ça. Donc, pour les Huskies, pour les Cataractes, ça a été quand même un match très difficile. Je vous dirais que, par chance, que Antoine Gélinas était devant les buts pour les Cataractes. Lui qui a quand même fait 45 arrêts dans le match. Il a été d'ailleurs la deuxième étoile du match. Donc, je pense que sans Gélinas, les Cataractes n'auraient pas été dans le coup, mais pas du tout. 48-23 dans les tirs là, pour les Huskies. Donc, moyenne de 9.11, 911 plutôt d'efficacité depuis qu'il est rendu avec Shawinigan en 18 matchs pour Marc-Antoine Gélinas. Ouais, ben, je pense qu'il faut aller vérifier la moyenne de M. Marco Cousineau pour le fun. Je te sors ça immédiatement. Écoute, mais tu sais, vraiment, un gars comme ça qui se fait mettre dehors de son équipe comme ça, c'est vraiment... Les Sea Dogs qui étaient partis pour la gloire, puis tu te fais dire, bon, ben écoute, on va te remplacer même par si. Par un autre gardien de 20 ans. Un autre gardien de 20 ans, exactement. Ouais. Ouais, c'est John Marco Cousineau, tu veux tirer? 910. Ouais, c'est très bien. C'est sûr que c'est des statistiques, c'est pas tout, mais ça reste que. C'est une claque d'en face. Pauvre Marc-Antoine Gélinas. Ouais, je voudrais pas être à sa place, que là, ça va tout prendre pour lui pour faire les séries, donc. Vraiment, dommage pour lui, dommage aussi, parce que ça a coûté quoi avec Marco Cousineau? Je sais pas si tu te souviens. Première ronde de série, je pense. Première ronde au repêchage. Vraiment, en tout cas, ça a coûté cher pour un gars qui peut-être était très interchangeable par rapport à Marc-Antoine Gélinas. Son seul avantage, c'est son expérience en série l'an dernier avec Drummondville. Ouais, c'est ça. Qui paraît. Ouais. Donc, défaite des Cataractes devant nos Huskies de Rouyn-Noranda, 3-2. La première étoile du match a été Christophe Lozier, le joueur des Huskies, qui a enfilé un but et une passe dans la victoire. Et la troisième étoile a été Steven Delisle des Huskies de Rouyn-Noranda. Donc, on continue. Donc, les Cataractes, comme je l'ai dit plus tôt, seulement 2 victoires dans les 10 derniers matchs. Il reste 2 matchs à jouer. On pour l'instant une fiche de 30 victoires, 28 défaites. 3 défaites en prolongation et 5 défaites en fusillade. Donc, avec 2 défaites, là, les Cataractes qui joueraient pour 500 cette année. Donc, ouais. Je pense que c'est pas vraiment à la hauteur de des attentes qu'on avait. Des attentes de début de saison, en tout cas. De début de saison, parce que les Cataractes, on s'attendait probablement à ce qu'ils soient quand même assez forts, qu'ils soient pas quand même dans les puissances de la Ligue, mais qu'ils se démarquent par rapport au milieu de peloton. Ouais, exactement. On s'attendait aussi à probablement à des meilleures performances en début de saison de Gabriel Girard, qui a pas été... à son niveau, on s'attendait aussi à plus de Philippe Paradis, entre autres, des gars, la Breck, qui encore une fois, c'était très long. Ça va beaucoup mieux pour lui présentement, mais que ça a été long pour d'autres aussi. Donc, c'était un mauvais début de saison qui a fait que, arrivé à Noël, on a préféré être vendeur modéré. Quoique j'ai adoré les échanges que Martin Maudot Ouellet, c'était pas une mauvaise acquisition, là. C'est plate qu'il est parti, il est parti ailleurs. Mais, donc, non, en effet, mais c'était à prévoir là, avec les clubs qu'on avait l'an dernier, tout a été mis pour l'an dernier, pour 2009, donc on c'est semble ça. Regarder plus vers 2012 présentement pour les Cataractes. Ben ça c'est certain, puis on regarde ça par exemple, tu parles de, ils ont mis tout pour l'année passée, ben Drummondville aussi, ils ont tout mis l'année passée, puis ils se ramassent quand même avec un excellent club. Ouais, mais Drummondville, il y a le, faut pas oublier que Drummondville a fini dans le fond du classement combien d'années? Deux ans, dans le fond. Tu sais, un Sean Couturier, là, qui a été repêché deuxième, si je me trompe pas, deuxième de la séance de sélection, ça paraît, ça, là. Puis c'est parce qu'on a réussi, mais tu sais, on s'entend que Sean Couturier, enlève lui, puis c'est pas pareil, là. Tu sais, vois-tu, là, lui, couturier cette année, il est rendu à 89 points à 65. Deuxième de la séance de repêchage de 2008. Ça paraît aussi, c'est qu'on a eu une relève chez Drummondville qu'on s'attendait pas nécessairement. Il y a aussi le fait que l'an passé, Drummondville était pas. C'est plus l'an passé qui est surprenant pour Drummondville parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il se rende là. Mabod qui sort de nulle part. Hoffman qui sort de nulle part. Yannick Yendo qui tout d'un coup explose puis ça lui a donné un contrat en Ligue nationale. Ouais. Le club était plus fait pour l'an prochain. Ben, c'est-à-dire cette année, là, je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc ça. On n'a pas trop hypothéqué, ça a payé. Di Domenico enlève la blessure à Di Domenico. Mais là, c'est sûr que Di Domenico n'a pas été là de l'année. Fait que c'est un facteur qu'il faudrait même pas prendre en considération. Là, il l'est. Mais enlève la blessure à Di Domenico, probablement qu'il est chez Pro, lui, présentement. T'sais, c'est un 20 ans, là, Chris Di Domenico. Donc, enlève cette blessure-là. C'est différent. C'est ça. La donne est très différente. Donc, vraiment, Drummondville me font peur présentement, mais il y a tellement de clubs dominant cette année dans la Ligue de hockey général. Moncton, Victo, Saint-Jean. Puis même Québec joue pas mal non plus. Non, ça va bien les derniers temps. Ça va très bien. Ouais. Yes, donc on continue avec les Tigres. Ah non, ok. Je pensais que tu avais d'autres nouvelles sur les Cataractes. Ça en est tout pour cette semaine. Bon, on peut parler que le numéro de Marc-André Bergeron a été retiré aussi. Oui. Donc, dans les derniers jours par les Cataractes. Lui qui avait dominé, vois-tu, les statistiques. Je sais pas si tu te souviens de ses années avec les Cataractes. Ouais, les Cats où il avait donné. J'essaie de te sortir. Je veux te sortir ses statistiques à Marc-André. Lui qui a commencé sa carrière à Bécomo. A joué là pendant 2 ans avant de se faire échanger à Shawinigan pendant la saison 98-99, mais son année de 2000-2001, son année de 20 ans, avait quand même été chercher 42 buts, 59 passes, 101 points en 69 matchs. Son tir, écoute, le gars de Saint-Louis de France, là, Marc-André, son tir de la ligne bleue, très dominant, on le voit encore dans la Ligue nationale aujourd'hui, qui fait des tirs à 100 000 à l'heure avec... Il n'y a pas une taille imposante, 5 pieds 9, 190 livres à peu près. Donc, très bon pour lui. Donc, félicitations à lui. On va aller à une pause. On va une pause de la musique. Puis on vous revient. On va continuer le hockey des juniors majeurs après la pause. Vous écoutez la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. Archambault, au lieu de découvertes culturelles avec ses 15 magasins et son site archambault.ca. Visitez notre magasin au 2940 boulevard des Récollets et découvrez-y musique, lecture, vidéo, jeux vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux. De plus, sur présentation de votre carte étudiante, profitez d'un rabais de 15% sur les livres à prix régulier. Surveillez chaque semaine les prix imbattables sur les nouveautés lecture et profitez du mardi au jeudi des prix choc sur les nouveautés musique et vidéo. Archambault et archambault.ca, la culture du divertissement. Pour connaître les palmarès complets de C'est fou, les émissions spéciales à venir, télécharger des entrevues, des chroniques ou encore connaître les spectacles à surveiller, c'estfou.ca. Pour inspirer ta liste d'albums à acheter ou à mettre sur ta liste de cadeaux, c'estfou.ca. Viens nous visiter. À lire dans cette édition de votre journal Zone Campus. Actualité, le mandat du recteur Ghislain Bourque renouvelé. Arts et spectacles, événements à la galerie R3, lumière sur les arts et la science. Sport, les Patriotes hockey de l'UQTR passent en demi-finale de l'Est. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. C'est fou de musique à découvrir, c'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de peine émergente. C'est fou de la musique. C'est fou 89.1. 89.1. We'll be right back. Bonjour, c'est Pierre-Alexandre Mandal. Vous écoutez Inconduite de partie sur C'est fou. I'll see tonight will be made up of origami. Tell the fellas, make it understood. It ain't no good if there's too much wood. Make sure you know before you go. The dance floor rojo ratio 5-1 is a rodeo. Test even like it's time to go. Wait outside all night to find 20 dudes in a conga line. Too many dicks on the dance floor. Easy to fix. Too many dicks on the dance floor. Spread out the dicks. Too many dudes with too many dicks. Too close to my shit. Too hard to meet tricks. I need better odds, more broads, less rods. Too many men, too many boys, too many misters, not enough sisters, too much time on too many hands. Not enough ladies, too many men, not enough ladies, too many men, not enough ladies, too many men, too many men, too many men. Alors, c'était Flight of the Conchords avec la chanson Too Many Dicks on the Dance Floor. Si vous vous demandez, attends une minute, il veut-tu vraiment dire que... Oui, oui, il veut dire ça. Fait que c'est ça. Hein? C'est comment c'est gras. Dis? C'est gras, hein? C'est gras. C'est excellent, Flight of the Conchords. Regardez ça un peu. Checker, c'est très, très, très populaire aux États-Unis présentement. Un groupe un peu qui fait de la musique, mais humoristique, tout ça, dans l'humour, tout. Donc, regardez ça, j'aime bien ça. C'est dans le palmarès, en plus, c'est fou. Donc, il n'y a pas juste moi qui triple là-dessus. Ça a de l'air. On continue avec le junior majeur, Pierre-Luc. On continue avec le junior majeur. On parle maintenant des Tigres de Victoriaville qui, au moment, il y a, avant les matchs qu'on va parler, se battaient encore avec les Voltigeurs de Drummondville pour la première place dans la section TELUS Centre. Mais jeudi, ils affrontaient les Remparts de Québec et c'était au Colisée des Jardins ici à Victoriaville. Et ça a été un très très gros match entre ces deux équipes. On le sait tous, Nicolas, qu'il y a eu une grosse échange entre les deux équipes pendant la période des fêtes. On a envoyé des excellents éléments à Québec et d'autres bons éléments à Victoriaville. Ouais. On pense à Olivier Hinz, on pense à j'ai un blanc. Ben c'était Samuel. C'est Samuel Groux, etc. Donc c'était la première affrontement de ces deux équipes là, depuis l'échange. Et les Tigres qui ont commencé ça en feu ont mis tout d'abord deux buts pour donner l'avance 2-0 sur des buts de Thomas Kubalik. Donc Kubalik deux fois. Ensuite, Danick Paquette est venu réduire l'écart à 2-1, toujours en première période. Et Travis Mikizak est venu redonner l'avance au Tigres de Victoriaville. C'était 3-1 pour les Tigres après une période. Deuxième période, Chris Doyle. Il va avoir un très, très beau but pour donner l'avance 4-1 pour les Tigres de Victoriaville. Ensuite, ça a été carrément la débandade pour les Tigres puisque les Remparts ont réduit l'écart à deux buts sur un but d'Olivier Hinz, qui est justement un ancien des Tigres de Victoriaville. Et en troisième période, finalement, les Remparts qui réussissent à venir créer l'égalité pour faire 4 à 4 sur des buts de Maxime Gravel et Dimitri Kougrichev. Donc, c'était 4 à 4 après 3 périodes. Et en fusillade, qui est devenu donner la victoire aux Remparts, Nicolas? Bonne question. Écoute, je vais m'essayer avec... Il y a avec Michael Tam qu'on a parlé tantôt. Non, Olivier Hinz. Olivier Hinz, justement, d'ailleurs, un ancien joueur d'éthique de Victoriaville. En effet. Lui qui avait compté le deuxième but en deuxième période pour remettre les Remparts dans la partie. Et finalement, c'est lui qui va donner la victoire en fusillade aux Remparts. Donc, victoire de 5 à 4 des Remparts de Québec sur l'éthique de Victoriaville. Je pense qu'une victoire comme ça, ça va donner une très bonne confiance aux Remparts qui en arrachaient dans les derniers temps. Mais là, je pense que la machine est vraiment répartie du côté des Remparts. On a quand même une équipe qui pourrait étonner en série. Les Remparts, en plus, vont bénéficier probablement d'un point de départ, juste starting spot en anglais, mais tu sais, ils vont être mieux classés que les autres, donc ouais. Il va avoir leur premier affrontement va être beaucoup moins difficile pour eux. Ça pourrait être vraiment venir on les aider. On va affronter soit les Titans d'Acadie Batters ou le tracteur de Bécomo, donc les gros marchés. Des gros marchés. À ça qu'à côté de Québec, eux qui font à peu près 13 000 par match, ouais. Quand ils vont s'en vont jouer là-bas dans une petite cabane comme ça, c'est différent. Après genre quoi, 6 matchs pour faire une foule des Remparts à Bécomo, là? Ah, plus que 6 ça. Matchs à Bécomo pour faire une foule des Remparts à peu près? C'est quasiment plus que ça. C'est 8 matchs. 8 matchs. Ben non, pas 8 matchs. Ils ont... Ben c'est du 13 000. Mais tu vas par 13 000. Rentre comment le monde au casier 15 000 cucs? Qui en rentre 15 000, bon. 300, quelque chose de même, mais c'est rare, c'est plein, sauf contre les bonnes équipes. Bon, là. Ben, c'est ça. Fait que 6 matchs. Ouais, mais ils mettent à peu près 1500 à Bécomo et à Batters, pis ça, c'est des bonnes foules, 1500. T'es rough avec eux autres. Et que t'es rough. C'est à environ là, 7 à 8 matchs pour rentabiliser. Mais c'est sûr que c'est pas le même marché. Continue. On va continuer. Donc. Pourtant, à Bécomo, c'est la plus grosse municipalité au monde, je pense. Ouais, en tout cas, en Amérique du Nord. Tu veux dire? Ouais, mais non, mais c'est. La plus grosse municipalité. Au niveau territoire, là, kilomètres carrés, c'est la plus grosse municipalité. J'ai goût de te dire au monde, mais sinon, en tout cas, c'est en Amérique du Nord, ça, je suis sûr et certain. Mais c'est pas parce que t'as du gros terrain que. Hein, c'est. Non. Hein? La grosseur n'est pas importante, n'est-ce pas, madame? N'est-ce pas, madame, en ce lendemain du jour de la femme? La grosseur n'est pas importante. Dans les petits pots, les meilleurs onguiens. Allons-y, continuons et parlons des Tigres de Victoriaville qui, vendredi, était maintenant encore une fois au Colisée des Jardins pour cette fois recevoir le Junior de Montréal. Et les Tigres, ça a très bien été encore une fois de leur côté. Victoire de 6 à 5 sur les Juniors de Montréal. Encore une fois, ils ont dû avoir besoin de la fusillade pour remporter la victoire. Les buteurs du côté des Tigres, Joël Champagne, deux buts. Guillaume Goulet, deux buts aussi. Thomas Kubalik a été le dernier buteur. Et en fusillade, Brendan Hines et Andrew Nestracil ont été capables de déjouer le gardien Étienne Marcoux. Donc, c'est ça qui a donné la victoire au Tigre de Victoriaville. Mais ça a été un match quand même assez serré. 49-37 dans les tirs. Faut dire quand même un gros merci à Kevin Poulin aussi qui a quand même fait... un bon 44 arrêts, donc c'est excellent là pour monsieur Kevin Poulin. N'en est pas à sa première bonne performance de la saison. Non, pas certainement vraiment pas. Vraiment pas. Donc, victoire là, des Tigres de Victoriaville sur le Junior de Montréal. Et le lendemain, ils affrontaient maintenant les Olympiques de Gatineau. Donc, et victoire de 2 à 0 des Tigres de Victoriaville. Un match très, très tranquille, comme on dirait. 28 à 23 dans les tirs. Donc, ça n'a pas été un match très, très offensif, mais beaucoup plus défensif. Les buteurs ont été Joël Champagne et Brendan Hines pour les Tigres de Victoriaville. Donc, les Tigres, comme on l'a dit plus tôt, qui vont très bien dans les derniers temps, ont quand même là avec ces deux victoires là qui s'approchaient des Vultures, mais les Vultures qui n'ont pas perdu eux depuis 7 ans, donc n'ont pas été capables de s'approcher des Vultures afin de les dépasser, de s'emparer du premier rang. Donc c'est confirmé, les Tigres de Victoriaville qui termineront deuxième dans la section, ils affronteront assurément les Cataractes de Shawinigan en première ronde des séries. Donc c'est pas facile. Ouais, c'est comme l'année passée, sauf que la différence, c'est que les Cataractes, l'année passée, avaient la grosse équipe, cette année, c'est les Tigres. Donc, autant que l'année passée, on se disait peut-être que les Tigres seraient capables de créer une surprise, autant que cette année, on pourrait penser peut-être que les Cataractes pourraient créer une surprise. De moins en moins, je te dirais. De moins j'étais, en moins, mais... J'étais plus confiant que ça aurait été contre Drummondville. Ouais. Avant des Dominico, ouais, quand ça, Jake Allen n'allait pas bien, mais là... Si on regarde votre show de Drummondville, on est rendu quand même à 13 victoires de suite. Ouais, c'est ça, je te dis, mais je veux dire, avant ça, à Star, oublie ça. Non, je pense pas que les Cataractes ont une chance, peu importe, contre les deux équipes. Ça, c'est certain. Mais qu'il me prouve que j'ai tort, s'il vous plaît. Ben, j'espère. Il faut. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, Voltigeur, Tigre contre Cataract en première ronde des séries. Ça va être très, très intéressant à suivre. Les Tigres qui termineront leur saison cette fin de semaine, là, alors qu'ils auront deux matchs. On va parler maintenant des Voltigeurs de Drummondville. On l'a dit plus tôt, ils sont rendus à 13 victoires de suite. Et ils avaient quand même ils allaient faire leur petit voyage en Abitibi-Témiscamingue pour terminer la saison. Donc, ils étaient à Rouyn-Noranda vendredi pour affronter les Huskies. Et victoire, quand même assez, une bonne victoire, je dirais, des Voltigeurs de Drummondville. 4-2 sur les Huskies de Rouyn-Noranda. Charles Landry, Philippe Lefebvre, Chris DiDomenico et Gabriel Dumont ont été les buteurs du côté des Voltigeurs. Sergei Obstachuk, Jean-Simon Bérubé, Jean-Sébastien Bérubé, désolé, et ont été les buteurs du côté des Huskies de Rouyn-Noranda. Donc, c'est ça. Donc, Jake Allen était devant les buts pour les Voltigeurs de Drummondville. Il remportait une 27e victoire cette saison. Et ils affrontaient quand même Nicolas Champion. Donc, c'était un excellent duel de gardiens. Mais finalement, c'est vraiment Jake Allen qui a eu le dessus sur Monsieur Champion. Donc, victoire des Voltigeurs là, sur les Huskies. C'est une victoire qui quand même qui représente bien comment les Voltigeurs sont une force dans la ligue, puisque les Huskies sont pas piqués des vents. Oh non, pas du tout. Ils sont pas aussi performants qu'ils auraient voulu être. Par contre, là, on s'entend... Avec la perte de Patrice Cormier, exactement. Ça va être plus difficile là, d'aller remporter la Coupe du Président cette année. Ça, c'est sûr. On continue le dernier match de la semaine pour nos Voltigeurs de Drummondville. Ils étaient à Val-d'Or le lendemain pour affronter les Foreurs de Val-d'Or. Et ils étaient en quête d'une 13e victoire de suite. Et je vous dirais que ça n'a pas été très difficile pour eux d'aller chercher leur 13e victoire de suite. Alors qu'ils ont emporté sur les Foreurs de Val-d'Or par la marque de 7-0. Les Foreurs qui en ont mangé toute une. Je vous dirais que les grandes étoiles du match sont Gabriel Dumont, Sean Couturier, chacun 2 buts, 2 passes dans la victoire, 4 points. Les autres buteurs du côté des Voltigeurs de Drummondville sont André Pala, Benoît Lévesque et Philippe Bergeron. Donc, et c'est le gardien... Bon, c'est ça. Dans le fond, on fait grosse victoire des Voltigeurs. Et on continue, donc, les joueurs de la semaine. Jonathan Lessard, qui est un joueur du Centre des Cadets-Batteurs, celui qui a amassé 2 buts, 3 passes. Donc, cette semaine, qui a aidé les siens à avoir 2 victoires pour les pauvres titans qui essayent tant bien que mal de se classer pour les séries éliminatoires. Et le joueur défensif, Shane Owen, une moyenne de 1.44 dans ces 2 matchs. Le gardien des Wildcats qui a réussi 2 victoires, dont 1 blanchissage contre le Cap-Breton. Donc, ça va très bien pour Monsieur Owen. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, les séries éliminatoires commencent pas cette fin de semaine, mais l'autre fin de semaine, déjà, on commencera les séries éliminatoires. Je sais pas s'il y a un break de 1 semaine ou 2, mais d'habitude, c'est quand même pas très long. C'est ça, ça commence très vite. D'habitude. Ça commence très vite, donc je vous dirais que... Parce que là, les gars vont se mettre à jouer des matchs de semaine, c'est ça la différence. C'est là. Ça. Puis ça, c'est le fun, c'est intéressant, parce que souvent, Cogeco, puis... Vox, je ne sais pas, je vais être bien franc, mais Cogeco va diffuser plusieurs parties en semaine. Je sais que dans mon coin, moi, je suis Saint-Hyacinthe, donc on avait droit au match des Voltigeurs de Drummondville très souvent. Ça va être le fun de pouvoir suivre ça vraiment à la télévision pour tout le monde, parce qu'une fois que ton équipe locale est éliminée, si t'es quand même capable de suivre les activités, ça va être très bien. Qu'est-ce qui était avantageux l'an dernier, c'est qu'on pouvait suivre tous les matchs sur le site TELUS, de la ligue, sur le TELUS. Maintenant, faut payer. Ouais. Donc ça, c'est un peu plate. Je vous dirais que l'année passée, moi, j'ai connu... Je me suis bien amusé en série éliminatoire. J'écoutais des fois les 3 matchs en même temps, puis j'écoutais un peu qu'est-ce que je voulais. Mais là, c'est plus difficile. Là, cette année. Tu te foutais de ta bande passante, hein? Pas mal. Donc, c'est ça. Donc, on parle un peu des séries éliminatoires rapidement. Donc, on l'a dit, les Tigres affronteront les Cataractes de Shawinigan. Probablement que les Voltigeurs de Drummondville affronteront encore une fois les Maniacs de Lewiston. C'est pas encore fait puisque le Drakkar est à seulement 4 points des Maniacs. Il leur reste 3 matchs. Mais on s'entend, là, il faudrait quand même 3 victoires au Drakkar. 2 victoires. Non, 3 victoires au Drakkar de Bécomo pour devancer les Maniacs. Les Drakkar qui ont eu seulement 19 victoires cette saison sur 65 matchs. Donc, j'aurais de la misère à croire qu'ils pourraient aller chercher 3 victoires dans les 3 derniers matchs de la saison. Mais bon, on va leur laisser la chance aux coureurs. Mais normalement, les Voltigeurs de Drummondville qui affronteraient les Maniacs de Lewiston, encore une fois, les Maniacs qui vont, d'après moi, se faire démolir en première ronde des séries par ces mêmes Voltigeurs. Pas excellent pour un marché qui essaye de s'en sortir. Non, hein? C'est ça, ça c'est certain. Dans la TELUS S, une autre chose qui est assurée, l'Océanique de Rimouski qui affronteront les Saguenay de Chicoutimi. Si on regarde ça encore une fois, ces deux équipes s'affrontent en première ronde des séries. L'an dernier, c'était la même chose. Donc, on dirait qu'avec leur système, parce que c'est sûr qu'ils vont changer l'an prochain, mais fait en sorte que c'est tout le temps les mêmes séries qu'on a en première ronde. Ouais. Ça vient quasiment un peu plate, je vous dirais. Ça devrait changer l'an prochain. Là, avec c'est ça, l'an prochain, ça va être changé. Ouais, ça va être vraiment différent. Donc, ça va faire du bien, je vous dirais. Là, parce que ça vient pas mal redondant. Là. Ouais. Les Remparts de Québec, quant à eux, normalement, avec l'élimination des Drakkar de Bécomo, devraient affronter le Titan d'Acadie Batters de la première ronde des séries. Je vous dirais que les Remparts ne devraient pas trop s'enfler la tête, puisque le Titan pourrait être surprenant. Les Titans qui les ont d'ailleurs battus dernièrement là, dans la saison. Donc, faudra pas trop prendre à la légère là, les Titans, parce que ça pourrait leur faire mal. Si on tombe dans la section TELUS Ouest, une autre chose qui est assurée, Olympique de Gatineau contre le Junior de Montréal. Ça, c'est assuré qu'ils s'affronteront en première ronde des séries. Et c'est maintenant assuré aussi que le Junior de Montréal terminera deuxième. Donc, ils auront l'avantage de la glace pour la première ronde des séries. Huskies de Rouyn-Noranda qui, normalement, comme on l'a dit, va affronter les Foreurs de Val-d'Or. Ça, c'est toujours dépendant, mais bon. Ça, c'est presque assuré. Il manque seulement un point ou une défaite au Drakkar de Bécomo pour que les Foreurs terminent face les séries éliminatoires. Donc, ce n'est qu'une... ça devrait pas être très, très long que les Foreurs s'assureront d'une place. Ils affronteront les Huskies de Rouyn-Noranda. Qu'est-ce qui est plaisant entre ces deux équipes-là, c'est qu'il y a tellement une excellente rivalité entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or. On s'aime pas, puis que l'autre équipe ait une beaucoup meilleure équipe que moi, que l'autre, ben je pense que ça change absolument rien. Tu donnes pareil parce que tu veux battre tes adversaires qui sont quand même très près. Pis tu sais que les deux cabanes vont être pleines quand même parce que il y a rien d'autre à faire la BTB de toute façon. Non, il y a rien d'autre à faire. Malheureusement. Hey, en terminant, Pierre-Luc, j'aimerais que tu me parles de Michael Tam. Oui, Michael Tam qui a été suspendu 2 matchs. Un petit peu drôle, lui. Ironique, un petit peu. Ouais, écoute, un peu ironique, comme tu l'as dit si bien. Lui qui vient de sortir quand même là d'une grosse blessure, lui qui avait été infligé là par le coup de coude de Patrice Cormier, suspendu 2 matchs à son tour. Que veux-tu? Ça arrive à tout le monde, suspension, ouais, yeah, c'est là qu'on le voit. Hein, je pense que des fois, ça au hockey, ça se passe tellement vite que c'est ça. Ouais, tu pourrais pas mieux dire. Je pourrais pas mieux dire. Hein? Donc, je te remercie beaucoup, Pierre-Luc. Je vais te remercier, ça fait plaisir. Hey, on s'en va à une pause, on va de la musique après. Et au retour, JP Grenier se joint à nous. On va parler de tout plein de nouvelles. On a du stock en masse. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. À lire dans cette édition de votre journal Zone Campus. Actualité, le mandat du recteur Ghislain Bourque renouvelé. Arts et spectacles, événements à la galerie R3, lumière sur les arts et la science. Sport, les Patriotes hockey de l'UQTR passent en demi-finale de l'Est. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 Pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Les mal léchés, en pleine galactique.

Et c'était la descente du coude avec la chanson Parle Pâle. Vous êtes à l'écoute de l'Inconduite de Partie sur les ondes de C'est Fou. Si vous voulez nous rejoindre en studio, c'est le live commercial inconduitedepartie.com pour nous rejoindre, ben, pour lire le blog, tout ça. Hey, honnêtement, là, on va être bien franc, les jeux de la communication qu'on était, puis tout ça, notre trip à Moncton, j'ai pas mis le site à jour depuis un bout. C'est pas que j'étais en manque d'opinion, ça. Il y a jamais eu de problème avec ça. Côté opinion, j'en ai comme c'est pas possible. C'est plus un manque de temps. Un manque de temps, volonté. Trop d'alcool. Là-bas, oui, mais en tout cas, si je me disais, je vais écrire, je vais avoir le temps d'écrire du stock dans l'autobus. Mais ouais, ouais, bonne, tu sais, c'est ça. On chante plus que d'autres choses on dans l'autobus. On chante, puis on écoute les petits garnements. Ah. J'ai mis basketball aussi, là, au moins j'ai mis ça, ça a déjà été ça. Pas de basket, basketball, pas basketball, mais basketball, le film, là. On va parler avec un des passionnés, toujours avec nous comme à chaque semaine, JP Grenier, comment qu'il va, coach? Ça va bien, vous autres? Eh, non. J'ai justement écouté le film hier. Ah ouais? Ah ouais. Moi, je suis content de pas l'avoir laissé à Moncton, j'ai eu peur tout d'un coup. Ok, ok, ok. Fait que, non, on l'a fait jouer dans l'autobus, puis là, j'ai droit à la réaction normale des gars. Oh, ouais, basketball. Et la réaction normale des filles. Ouais, mais je comprends rien, il est plat de ton film. J'ai écouté les petits garnements à place. J'ai écouté les petits garnements, puis mon fantôme d'amour, puis les pages de notre amour. Hey, t'as-tu déjà été pogné pour écouter ce film-là, les pages de notre amour? Non, j'ai pas eu... De blonde? Moi non plus, j'ai jamais écouté. J'ai tout le temps réussi à me sauver de ça, là. Mais c'est comme une étape. C'est-tu une étape obligatoire dans la vie d'être pogné pour écouter ce film-là? Ouais, ben, j'ai pas eu encore à le vivre, mais là, tu m'en parles, puis j'ai un peu peur. Ouais, ben, non, mais sais-tu de quoi je parle, ou... Ben, là, plus ou moins, là. OK, ben, laisse faire. D'abord, les gens à la maison qui ont déjà été... Les hommes à la maison qui ont déjà été pognés pour écouter ça, là, écrivez-nous live à commercial@conduitedepartie.com et dites-nous, est-ce que c'est aussi pénible que ça en a l'air? S'il vous plaît. Donc, on va y aller avec des petites nouvelles. JP, tu nous livreras ta profonde et savante analyse là-dessus. Football! T'as le repêchage de la Ligue canadienne de football qui s'en vient. C'est les fameuses, ce qu'on appelle en anglais les combine, là, les tests, là, les cas d'évaluation de la LCF, dans le fond, qui vont avoir lieu très bientôt. Vois-tu les Argonauts de Toronto, le premier choix dans cette session-là? Veux-tu savoir, JP, tu sais, si je te dis, ben, tu vas avoir des joueurs de la LCF puis des joueurs de la NCAA là-dedans. D'après toi, c'est quoi à peu près? Là? Il y a 58 joueurs d'invités. C'est quoi le pourcentage, d'après toi, qui vient de la Ligue canadienne, de la CIS? Il y a environ 96% des joueurs. JP, t'es dessus, man. 58 joueurs qui sont de la Ligue canadienne de football. Coudon, t'avais-tu lu le texte? Ou? Non, non, non, pas en tout, sauf que habituellement, là, les gars de la NCAA, ils restent encore là-bas. Là. Non, mais t'en as qui ont fini puis qui vont s'en venir ici. Dans le fond, ce que je voulais te dire, ce que j'essaie de te dire par tout ça, c'est vraiment que la qualité du football canadien s'est grandement améliorée. Parce que probablement que tu recules v'là 10 ans, puis c'était probablement plus 50-50. Fait que ça a changé. Ça a changé pas mal dernièrement. Donc, ça va se tenir au Varsity Center de l'Université de Toronto, le stade du Toronto FC. J'imagine qu'il y a un centre sportif à côté puis tout ça. Donc, 10 des 15 meilleurs espoirs qui figurent au top 15 du bureau de recrutement de l'amateur de la LCF vont être présents. On peut passer à Corey Greenwood de Concordia, Shomari Williams de Queens, Joshua Jesse de l'Université de Montréal. On peut passer aussi les étoiles de la dernière Coupe Vanier. Danny Brannigan de Queens, Eric Glavick de l'Université de Calgary, les deux carrières qui vont joindre à ça. Donc, parce que carrière canadien pourrait un jour avoir un spot dans la LCF, toi? Ben, j'avais bien aimé Brannigan. Sauf qu'encore là, on en a déjà parlé à l'émission. Il faudrait peut-être qu'il change le règlement pour les joueurs américains ou les carrières. Ça l'aiderait peut-être plus, ça. Tu penses qu'il y a plus de chance, hein? Ben, écoute, moi, si j'étais un directeur général, je mettrais bien plus l'argent sur un carrière américain, là. Ouais. C'est pas pour faire de la discrimination, ils sont juste meilleurs. Oui, ben, tu penses que c'est le football à 4 essais qui fait ça? Ou même c'est d'autres choses, c'est dans la formation des joueurs, tout? Même à ça, je prendrais un Américain bien avant, là. Ouais, non, mais je veux dire, pourquoi ils sont meilleurs? Ben parce que c'est leur sport, c'est comme au baseball, tu prendras jamais un Canadien avant un Américain, là. Ouais, mais tu prendrais-tu un Canadien avant au basketball, peut-être à Steve Nash, c'est ça que je veux dire, tu comprends? Ouais, il y en a qui se démarquent. C'est sûr, il y en a toujours qui se démarquent, là. Sauf que le nombre de carrières que eux produisent là-bas face à ici, faudrait vraiment qu'il y en ait un qui sorte de l'ordinaire. C'est juste une question de pourcentage, toi, tu penses, dans le fond? Ben, pas juste de pourcentage. C'est comme les porteurs de ballons blancs. Il n'y en a pas grand, il y en a pas gros, là. Ouais, non, mais ça, c'est plus une question physique, là. Ben, souvent, bien souvent, ça, sans faire de discrimination ou rien, les carrières sont blancs, les porteurs de ballons sont noirs. Ça, c'est que, en même temps, je pense qu'il y a un meilleur développement du côté américain, puis c'est pour ça qu'ils sont meilleurs. OK, c'est... Oui, c'est... ils sont plus nombreux, sauf que c'est aussi le développement est pas mal meilleur là-bas. Ils sont beaucoup mieux encadrés, puis il y a plus d'argent qui est mis là-bas, là. Ouais, aussi. Bon, dans le fond, c'est... Il n'y a pas grand carrière canadien dans NCAA, là. Ouais, non, mais dans le fond, c'est ça qu'on dit, c'est une question de développement de tes joueurs dans un âge plus jeune. Exactement. Par exemple, là, avec les Alouettes, on a Chris Leake, on a Adrian Peterson. McPherson, pardon. Ah ouais, Adrian Peterson, ouais. Il n'y a jamais un carrière de la CIS qui va être proche de ces gars-là, puis... Il fait quoi, rendu 4-5e carrière, là? Je pourrais plus te dire, là, mais ouais, en effet. Dans le fond, le carrière qui appartient aux Alouettes, le carrière canadien qui a eu le plus de chances de se faire valoir, c'était Jesse Palmer, qui est un carrière canadien, mais tu sais, il a joué à Florida et tout ça, là, fait que... Puis il a eu une carrière dans la NFL aussi, ouais. Pas. Ouais, puis il a joué dans The Bachelor, mais ça, on n'en parle pas. donc c'est ça pour ça. Pierre-Luc, j'aimerais ça que tu me parles du budget 3A, les Estacades. Oui, les Estacades qui avaient trois matchs la semaine dernière et trois matchs contre la même équipe que le Lac-Saint-Louis, qui est une des trois pires équipes de la Ligue. Et donc tout d'abord, ils les recevaient à Trois-Rivières jeudi dernier. Ils l'ont emporté par la marque de 2-1 sur des buts de Michael Langlois et Benoît Marcoux. Le lendemain, on affronte encore la même équipe, le Lac-Saint-Louis, toujours à Trois-Rivières. Cette fois-ci, défaite de 3-1. Le seul buteur des Estacades a été Francis Turbide. Et dimanche, ils se rentraient à leur tour au Lac-Saint-Louis, donc à Delors-des-Ormeaux. Ils l'ont perdu 6-2 contre ces mêmes Lac-Saint-Louis. Et Félix-Antoine Bergeron et Julien Houle ont été les buteurs pour les Estacades. Donc, deux défaites sur trois matchs contre une des pires équipes de la Ligue. Va falloir se redresser du côté des Estacades parce que les séries s'en viennent. Et non, ça termine pas très, très bien là pour la fin de saison. Totalement d'accord. Au niveau du Caron Aiguille de Trois-Rivières, eh bien, ils étaient en action deux fois la fin de semaine dernière. Le premier match, c'était encore contre le Saint-François-Chabot. On pogne toutes les mêmes équipes dans la ligne nord-américaine. Ils sont rendus à cette équipe. Fait que, parce que ça m'en a affronté. La dernière fois qu'on a parlé d'eux, c'était encore contre le Saint-François. Donc, c'était une victoire du Saint-François qui a vraiment le numéro du Caron Aiguille 7-3. Début, vois-tu, pour Sherbrooke, on peut passer, qui se sont débarqués. Vois-tu, ça a été une partie quand même très, très, très, très, très, très rude, beaucoup de batailles. Les buts pour Sherbrooke, on peut parler de la performance de Jonathan Boutin. 2 buts, 1 passe. Et Guillet aussi qui a été cherché. 1 but, 3 passes ici pour Trois-Rivières. Le meilleur a été Louis Mandeville avec 1 but et 1 passe. La défaite va à l'affiche de... Mathieu Poitras. Donc, c'est ce qui pour ce match-là. Et l'autre match, bon, ben, le Caron Aiguille est en action encore une fois contre le CIMT de Rivière-du-Loup. C'était ici même au Colisée de Trois-Rivières. Donc, au niveau du classement, vois-tu, le Caron Aiguille 5-4, c'est pas une très bonne fin de semaine vraiment pour eux d'avoir perdu contre le 5-4. Le meilleur chez le Caron Aiguille a été Simon Liberté, toujours lui, t'es excellent, qui a fait, vois-tu, 1 but. La Liberté, je vous dis ça. 1 but, 2 passes. Tout comme Maxime Ouellette, comment tu l'appelais, ton préféré de Occupation Double? Je vais te surprendre, hein, là. Ouais. Mike Ouellette. Mike Ouellette. Ça, c'est Mike. Mike. Ou c'est peut-être. Mon préféré d'Occupation Double. Ouais, faut quand même pas exagérer. Oh, mais... arrête. Tout, hein, Pierre-Luc JP, tu sais comment Pierre-Luc est un fan de. Il est un fan, puis ça me manque qu'il nous parle de ça. Écoute, ouais. Mike, il joue pas à Montréal-Québec, là? Ben, moi, tout, j'étais surpris, mais il aurait pu, tu sais, il aurait pu comme... analyser ça, écoute, il est dans... Ben, il aurait pu faire comme, tu sais, reality shows dans la même shot, ça aurait été bon, ça, pour lui, pour son CV, et tout ça. Hey, parlait de Québec-Montréal, t'as-tu écouté ça? Je pense que la série est rendue 3-3, j'ai cru voir ça dans une annonce à TVA, ça se peut-tu? Moi, c'est surprenant. Tiens-toi, s'il te plaît. T'es-tu en train de dire que les games sont arrangés? Arrangé pantoute. Voyons donc. Hey, t'as-tu vu la gueulade Patrice Brisebois puis Bob Hartley? Non, je sais ça, j'ai trouvé ça pas pire, par exemple. Hey, ça, c'est arrangé, là. Voyons. Ben, que les caméras soient là au bon moment, à bonne place, le bon éclairage, tout. C'est sûr que le gars a fait une méchante bonne job, mais c'était cool, là. C'était pas censuré ni rien, puis tu voyais que Hartley, tu sais... On dirait qu'il jouait à la comédie un peu, là. C'était pas naturel, là, mais en tout cas, ça peut donner un bon show, là. Pourquoi pas? Ah, écoute, c'est intéressant. C'est le mieux que je peux dire. Je peux pas dire que c'est le fun. Je peux pas dire que je trouve ça intelligent, mais c'est intéressant. Fait que c'est déjà ça, au moins. Mais je suis quand même content que ça soit disponible sur Internet. J'ai pas à me taper le show au complet. Pour voir ces petits moments-là. Merci, YouTube. Eh oui, allez voir ça sur YouTube. C'est très, très drôle de voir les deux gars se pogner puis s'envoyer chier comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est vraiment même ironique quand Brisebois, il dit ça, que, tu sais, il va le casser sa glace. Ah oui, Brisebois, il dit, j'irais péter la gueule. Non, avec les Canadiens, en tout cas, moi... aurait peut-être fallu en parler dans le temps de Carl McLaren et Richard Zetnik. Il aurait fallu glisser un petit mot. Un petit mot. Il aurait fallu que l'essor soit sa glace. Ouais, c'est ça, il aurait pété la gueule. Alors, on va aller en musique, on va aller écouter du La Question avec la chanson Affranchi. On se reparle. JP, on parle de quoi après la pause? On va parler de basket, entre autres. Mais on parle surtout des Olympiques, Paralympiques. Les Jeux Paralympiques, oui, il y a un peu d'affaires à dire là-dessus. Aussi peut-être baseball, si on a le temps. Bon, votre chanson, regarde, on est avec toi jusqu'à 11h de toute façon. Good. C'est bon, donc, La Question. Vous écoutez L'Inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Thank you. compète, il faut la gagner. Tereza, Tereza, tu dois te battre, te dépasser. La descente, tu dois la gagner. Tereza, Tereza, c'est le départ, ton cœur bat plus fort. Le moment de donner ton effort. Tereza, la victoire vous tend les bras. JP, JP, JP. Seulement sur C'est Fou. Seulement sur C'est Fou, exactement. Tu te rappelles de ça? Ben, plus ou moins, là, c'est nébuleux dans ma tête. Pierre Risa, tu te rappelles pas l'émission Pierre Risa? Pierre Risa, ça c'était pas le matin, le samedi matin, là. Eh oui, à Radio-Canada. Exactement. C'était, ils étaient aux Olympiques? Tu te rappelles? Je me rappelais de Picsou, mais là, Pierre Risa... Non, mais écoute, ils étaient aux Olympiques, c'était... tu sais, j'essaie de faire un lien avec les Olympiques et tout ça, tu comprends? Exact. Mais, tu sais, c'était comme les premiers petits bonhommes qu'il y a eu, comme qui étaient un peu ordinateurs, ça, puis Megabug. Ah. Tu te rappelles de Megabug? Megabug avec Bob. Si tu le dis officiellement, man, j'avais pas le câble, fait que tu me perds là-dessus. Mais je me rappelle de Megabug, là, tu sais, quand t'allais chez ton cousin qui lui avait le câble, là, puis qui pouvait écouter les Roadrunners à la TV. C'est ça, mais... le monde de campagne. Ouais. Le câble. Ouais, mais on n'est pas dans la drogue, nous, aujourd'hui. Ah. Mais, non, mais c'est ça. C'est ça, mais tu sais, t'avais juste deux troupes, t'avais comme les gentils pis les méchants, ils faisaient toutes des compétitions, pis t'avais un stade olympique qui ressemblait dangereusement à celui de Montréal, donc c'était notre intro pour parler des Jeux olympiques. Écoute, parle-nous un peu des Paralympiques qui s'en viennent. Les Paralympiques, écoute, c'est pas c'est pas autant médiatisé que les Jeux olympiques normales. Hein? Ouais, en effet, c'est sans dire que c'est normal, c'est pas surprenant, là. Ouais, t'as raison. Non, mais tu sais, c'est pas un jugement ou rien, là. C'est que... C'est sûr que ça n'a pas autant, excusez le terme anglais, d'exposure que les autres Jeux olympiques. Sauf que, tu sais, c'est bon d'en parler aussi. Il y a des athlètes là-dedans super bons. Ah oui, ça, totalement. Puis j'ai regardé vite qu'est-ce qu'il y avait un peu comme discipline. Là. C'est sûr qu'il y en a de plus populaires que d'autres. Je vais tout d'abord dire en passant que le porte-drapeau pour le Canada, vas-y, c'est le joueur de hockey luge canadien, M. Jean Labonté, qui n'est pas à ses premiers Jeux paralympiques. Lui, il est un excellent joueur de hockey luge, ce qu'on nous a dit. Écoute, c'est lui qui va porter le drapeau. Je sais pas si lui, es-tu handicapé de naissance ou. Là tu m'en poses une. Je pourrais pas te dire, là, mais écoute, oui, D'après moi, il va porter le drapeau en luge, là. Probablement un peu sans chaise roulante, là. Ouais, j'avoue, ça glace, t'as raison. Logiquement. Mais écoute, non, c'est quand même le fun à regarder aussi. Il y a des. Hockey luge, c'est débile, le hockey luge. Honnêtement, là. Les gars, ils ont des shots, là. Parce que là, t'as pas de. Tu sais, tu peux pas. T'as pas de poids sur ton bâton. T'as pas de poids sur ton bâton. Les gars, ils descendent ça comme s'il n'y avait pas de lendemain, ouais, dans le top, puis. Ils ont des tirs probablement aussi forts que le mien. Vous me direz, oui, mais Nicolas, t'as pas un très bon tir de toute façon. Ce à quoi je réponds, hey, fuck you. Mais, mais non, s'il y a de quoi je trouve le fun aux Paralympiques, c'est ça. C'est vraiment ça. Très, très passionnant, je trouve ce sport-là en tant que tel. À part de ça, y a-t-il d'autres choses qui retiennent ton attention dans les Paralympiques? Ben, y a le ski alpin pour aveugles. OK. J'ai je sais pas toi, là, mais moi, s'il y a de quoi j'aime pas faire, c'est bien fermer mes yeux en ski. Tu sais, je capote quand je vois rien dans mes lunettes. Ben, écoute, j'ai vu le reportage à la télé là-dessus, puis j'en revenais pas. C'est genre, le monde sont aveugles, sauf qu'ils ont un guide en avant d'eux autres. OK. Ils ont genre un casque avec un appareil Bluetooth. Puis ils se parlent entre eux autres. Genre, le guide en avant, il dit gauche, droite, ou ben, il y a de la glace, là. Genre, faut vraiment qu'ils soient alerte. Puis, ils sont environ, là, à 10-15 pieds de distance, un avant de l'autre. Fait faut vraiment pas que le gars en avant, il se trompe. Sinon, tu trompes directement dans la clôture. Dans le fond, c'est un peu comme le défi Mira. Exactement. C'est le ski alpin suicidaire. Suicidaire, ouais, c'est ça. Il manque juste le chien. Donc, il y a pas juste les athlètes, là, en fait, il y a des athlètes non aveugles qui peuvent participer, sauf qu'il faut qu'il y ait un pourcentage de visibilité, puis on leur met tout simplement des lunettes, là, tu vois pas à travers. Là. OK, OK. Donc, c'est intéressant, ça. Ça m'a vraiment surpris, là. J'étais là, ils sont bons, parce que, écoute, moi, ayant commencé le ski, il y a à peu près 2 semaines, tu me dirais, ferme les yeux, puis descends, puis je vais te guider, puis j'aurais fait toi un. Ouais, je passerais pas. Fait que, écoute, dans les autres disciplines, peut-être que tu pourrais plus m'aider parce que Oh non, gars, je vais être bien franc, j'ai pas une très grande connaissance là-dessus, mais ça commence quand ça, les Olympiques Paralympiques? Les Paralympiques, dans le fond? Ça commence cette semaine. Vendredi? C'est ça. La levée de la. Pas la levée du drapeau, mais le. L'allumage de la flamme. On espère que les quatre bras vont marcher cette fois-ci. Ça serait bien. Ben, je pense pas que ce soit la même affaire. Peut-être pas dans le stade, mais ça va être la même flamme. Tu vas être, ouais. En tout cas, okay. Il me semble, les autres années, c'était exactement la même flamme. Je pense que c'est une bonne chose que ce soit la même flamme, même si c'est pas... même si c'est pas tout à fait les mêmes... comment dire? Pas les mêmes épreuves, mais le même type d'athlètes. Ça reste des athlètes, point, qui participent tout simplement dans les Olympiques où sont capables de se mettre en valeur. Puis je pense que c'est une bonne chose qui profite des mêmes installations lorsque c'est possible. Écoute, c'est une délégation de 53 athlètes du Canada qui seront présents à la cérémonie d'ouverture. Donc, une cinquantaine d'athlètes. Je sais pas si tous les athlètes seront présents, sauf qu'on souhaite bonne chance au Canada. Pourquoi pas remporter les honneurs? Ben, je pense que s'il y a un... C'est sûr que les 9 médailles de Chantal Petitclerc ne seront pas présentes pour les Jeux olympiques d'hiver, mais... T'es cave. Non, en effet, ils seront pas présentes. En tout cas. Hey, à part de ça, t'as-tu des petites nouvelles? Ben, écoute, je vais te parler des Olympiques, puis à l'heure, tu vas pouvoir te joindre à nous. Quel a été ton meilleur moment des Olympiques? Parce qu'on n'a pas pu en parler la semaine dernière, on n'était pas là, mais qu'as-tu... ton meilleur moment, ou qu'est-ce qui t'a le plus marqué des Olympiques de cette année? Pierre-Luc ou moi? Un des deux, les gars. Ben moi, personnellement, c'est la victoire de Jesse Anderson. OK. Ici, il y a un gars, là, je suis vraiment content qu'il ait gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est lui. Termine une carrière en beauté. Il avait tellement l'air heureux, ce gars-là. Ça a été son moment. C'est le fun pour des gars comme Bilodeau aussi, puis au patinage de vitesse, sauf que on s'entend que Jesse J, c'était pas ses premiers jeux, puis non, il a tout donné à la fin, il fallait qu'il rattrape le temps, là. Ouais. Il était 76 centièmes en arrière, donc... non, c'est vraiment ça. Comment ça, toi? Puis à Luc? Ben moi, c'est certain que je serai pas trop original. Moi, c'est vraiment la victoire du Canada au hockey masculin. Je pense que c'était la dernière journée, le match le plus excitant. Et je pense qu'on a eu le droit à de l'excellent hockey. On est allé en prolongation. Moi, sérieusement, c'est vraiment la victoire du Canada au hockey masculin. Mais il y en a tellement des beaux moments. On pense à Joanie Rochette aussi, que c'était tellement émouvant. On pense aussi au hockey féminin qui ont battu les États-Unis en finale, qui ont pris leur revanche. Donc, il y en a tellement trop, mais moi, c'est vraiment le hockey masculin là, qui a vraiment retenu le plus mon attention et qui m'a fait le plus vibrer dans mon fauteuil. Puis ça, on parle de ça, là, mais ce match-là, là, quand tu disais qu'il y avait personne dans les rues, on a parlé d'une foule. C'était comment? C'était genre 80% des Canadiens ont écouté le match. Ouais, là, au moins une minute du match. C'est immense, là. Ça bat tous les... Au niveau pourcentage, ça vient battre n'importe quel Super Bowl. Ça vient battre. C'est le genre de match que, sans être le but de Paul Anderson, hein, qu'on va pouvoir dire plus tard, moi, je me souviens où j'étais cette journée-là, que le Canada l'a emporté à Vancouver en prolongation. Que le but de Sidney Crosby est gravé dans la mémoire de tous pour un bon bout. Ouais, ouais. Lui qui avait pas compté encore de but depuis le début du tournoi, puis finalement, c'est le but le plus important qui va être compté par Sidney Crosby. C'est l'homme des grandes occasions. À date, écoute, il y en a qui préfèrent Ovechkin. Il y a une bonne guerre des deux, mais disons-le, Ovechkin et Crosby, c'est 3-0 pour Ovechkin et pour Crosby. Le championnat junior, la Coupe Stanley et cette fois-ci, ce qui s'est passé à Vancouver. Hey, moi, de mon côté, je te dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment les pantalons de l'équipe de curling norvégienne. Ça... Je pensais jamais qu'une équipe de curling pouvait faire une crise d'épilepsie à quelqu'un. Mais en tant que tel, non. Je pense que c'est vraiment de la façon que le Canada au complet, les Canadiens se sont vraiment, pendant deux semaines, n'ont vécu que pour ça, dans la foule, tout ça. Peu importe les épreuves, au curling, justement, là, ça chantait le « Au Canada » dans la foule. Même il en parlait, il disait que la foule elle, était comme très bizarre par rapport à la normalité parce que c'est pas bruyant de même une foule de curling. D'habitude, c'est respectueux. Tout. Puis là, il restait comme deux manches, ça chantait au Canada dans la foule. Donc, c'est vraiment ça, à part le hockey, à part les performances, tout ça. C'est vraiment la façon dont les Canadiens ont réagi. Je pense que le grand moment de fierté qui est sorti à travers de tout ça. Mais Moi, je suis un fier fédéraliste, fait que c'est sûr que c'est venu me chercher plus que ça, mais je pense même qu'on peut dire qu'il y a plusieurs souverainistes qui, pendant ces semaines-là, ont été fédéralistes pendant quelques jours. On va à la pause. Au retour, on va avoir un peu de musique. Du Mellon Collin, probablement, là. C'est ce que je me regarde pour faire. Et ensuite, on va parler. Écoute, on a encore quelques petites nouvelles. Puis, JP, tu nous parles March Madness, tu nous parles baseball. Alors, on va toucher à ça. C'est rare qu'on parle de basket, mais là, ça s'en vient très rapidement. Ça va être intéressant à parler. Donc, vous êtes à l'écoute de la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. Ah, oh, étude. Job. Il me semble que je suis dû pour me changer les idées. Amène ta gang, amène tes amis et viens vivre l'excellence. Viens vivre l'expérience Patriote. Samedi 13 mars à 19h, au Colisée de Trois-Rivières, nos Patriotes hockey affrontent les Mustangs de Western University dans un match suicide pour l'obtention d'un laissez-passer pour le championnat canadien. Dimanche 14 mars, nos Patriotes soccer affrontent McGill à 16h au Centre Alphonse Desjardins. De plus, il n'y a rien payé. L'admission est gratuite au Parti des Patriotes pour les étudiants de l'UQTR. UQTR.ca/patriote. À lire dans cette édition de votre journal Zone Campus. Actualité, le mandat du recteur Ghislain Bourque renouvelé. Arts et spectacles, événements à la Galerie R3, lumière sur les arts et la science. Sport, les Patriotes hockey de l'UQTR passent en demi-finale de l'Est. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Elle est de retour et elle n'est pas contente. Avec son championnat de jam débile, enregistré au Café Carrosse, ma tante Frank, come on! Plus fort que ça! Les championnats de jam débile de ma tante Frank, tous les samedis à 13h, sur les ondes de C'est fou 89.1 FM! Le Centre d'information sur le bœuf canadien vous offre la chance de gagner un bon d'achat par jour d'une valeur de 50$ durant la semaine du 8 au 12 mars prochain. Chaque bon d'achat est d'une valeur de 50$ et sera échangeable dans une épicerie IGA pour l'achat d'épicerie incluant du bœuf canadien. Il vous faudra par contre répondre à un vrai ou faux. Pour avoir une chance de gagner, écoutez On s'appelle et on déjeune, le dîner de cons ou assemblage requis durant la semaine du 8 au 12 mars. Tout ça grâce à la collaboration du Centre d'information sur le bœuf canadien et C'est fou 89.1. Vous avez l'œil tweet, moi, hein? La plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de troupe, puis je vous suspends tweet, moi. Écoutez l'hymne national! L'œil conduit de partie. Millen Collin avec la chanson Done is Done. Excellente chanson qui date. Ben, c'était sa soundtrack, ça, de NHL 2009, si je me trompe pas. Donc, je l'entends souvent pour être franc à ça. Puis, JP, c'était-tu Turn Your Back qui était dessus 2009 aussi? De Billy Talent. Ouais. Ouais, hein, me semblait. Donc, deux bonnes tunes, deux bonnes chansons. NHL, les jeux NHL, ils ont tout le temps des bandes sonores très intéressantes quand même. Souvent, ils vont aller chercher des groupes un peu plus underground, un peu plus canadiens. Je me souviens, il y a des années, c'était Gob qui était là-dessus. On a vu du Avenged Sevenfold avant qu'Avenged Sevenfold se mette à faire des tunes plus douces. Donc, ça, quand même, très intéressant, fun. Fun à jouer. Mais NHL qui vraiment, là, 2008, 2009, 2010, qui ont produit vraiment des jeux de qualité. Là, pour la première fois, je ne sais pas si c'est les nouvelles, la nouvelle génération de consoles qui permet ça, mais j'ai l'impression que tu peux enfin comme jouer au hockey. Tu sais, tandis qu'avant, tu jouais une forme de hockey où c'était du up and down qu'on appelle, là, dans, en nord-sud, où tu montais, puis tu faisais ton move, puis tu repartais de l'autre bord. Puis, tandis que maintenant, t'as des joueurs se placent, t'as des passes, t'as pas le choix de savoir comment dire. Faut que tu saches jouer au hockey pour bien performer à NHL. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, je sais pas si c'est mon opinion ou. Ben, c'est sûr que c'est beaucoup moins arcade qu'avant. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus simulation maintenant. C'est beaucoup plus dur aussi de compter des buts, là. Ouais, ben, il y a tout le bon vieux truc, là. C'est sûr que c'est pas comme. À toutes les années, tu trouves un truc pour c'est... marquer plus de buts que d'autres. C'est sûr que c'est pas comme un NHL 94, puis tu fais le tour du filet, puis le goal-là, il reste pogné dans le net, puis tu comptes, là. Mais... les bons vieux one-timer, genre de 2003. Là. Ouais, ou quand tu perdais la partie, tu rentrais dans le goal-là en échappé, puis ça donnait une pénalité d'interférence, mais la rondelle rentrait, fait que c'était bon quand même. Tu jouais avec tes chums, pis tu faisais que t'avais le règlement de pas le droit de faire le tour du filet. Tu te souviens de ça? Pis ce que j'aime à ça, c'est que tu peux te battre pour rien, là. Après les arrêts de jeu, tu peux brasser un peu. Ouais, il est gimmick un peu, hein, ça. Ils ont essayé de faire de quoi qu'il y avait de l'allure, mais tant qu'à moi, c'est pas très réussi, personnellement. Ça aurait pu être mieux. On est-tu d'accord là-dessus? Ben, moi, je trouve que c'est du niaisage, mais tu sais, c'est drôle un peu en chum, là. Ouais, non, c'est sûr, mais c'est parce que tu plafonnes vite, là. Même à un moment donné, en chum, tu fais comme, bon, tu me lâches-tu, oh, Colin, okay, ouais. Ça serait le fun que la game dure pas 40 heures. Ouais, mais ça, c'est quand je te bats, puis faut que tu trouves un moyen de gagner. Ouais, en tout cas. Hey, vas-y donc, JP, tu préfères y aller avec March Madness ou avec le baseball? Ben, je vais y aller avec March Madness, l'actualité. La folie de mars. La folie de mars. On va l'appeler de même. Ça, pour ceux qui le savent pas, c'est le plus gros tournoi de basketball collégial universitaire aux États-Unis. Chaque année, 65 équipes s'affrontent dans un tournoi sans lendemain. Vas-y donc avec un peu, là. Pourquoi 65 équipes? Ben, dans le fond, ce que ça représente, c'est les quatre territoires qu'on a aux États-Unis. Dans le fond, on a le sud, le nord, l'est puis l'ouest. C'est un peu mélangé. Par exemple, il y a des équipes qui, une année, sont dans le nord. Ouais, ben c'est ça. C'est l'année d'après, ils vont être dans l'est. C'est plus des noms pour les classer, là, dans le fond. Exactement. Parce que, ouais. Ce qui arrive, c'est que, mettons, exemple, l'université Kentucky est dans l'est. Ben, elle va juste jouer contre les équipes de l'est. Puis les matchs vont se faire dans ces régions-là. Fait que c'est pour ça, dans le fond, qu'on sépare ça en quatre. Ouais, OK, je comprends. Exactement. Donc, 65 équipes. C'est les 65 meilleures équipes au pays. Je me souviens plus exactement au basket comment il y en a, mais environ, il y a quoi, 200 équipes au basketball? 320, genre quelque chose comme ça, 365. Mais non, je pense que c'était 365 il y a une couple d'années. Ça a peut-être monté, là. Écoute, tu sais, c'est pas coûteux de partir un programme de basketball, là, quand contrairement même. Contrairement au football. Ouais, c'est ça. T'as pas autant de choses. Ça te prend juste un bon gym, là. En division 1, il y a 347 écoles en 32 divisions. OK. Donc, ça fait pas mal d'équipes. Non, en effet. Donc, exactement. Fait donc, c'est ça, là. C'est les 65 meilleurs qui prennent. C'est pas juste à cause de l'affiche, parce que souvent, des années, on a des surprises. On a des équipes qui sont moins contentes parce qu'ils sont pas choisis, malgré qu'il y avait de meilleures fiches que d'autres. Donc, c'est vraiment un comité d'experts, d'analystes qui, eux, ils font des poules, dans le fond, puis ils mettent les meilleures équipes qui, à leurs yeux, ont connu les meilleures saisons. Puis là, ils s'affrontent pendant 2-3 semaines durant la fin mars, Donc, ça devrait commencer dans pas long, ça. Ben, au niveau des équipes, c'est les 32 premières équipes, c'est les 32 conférences, c'est ça? Les 32 champions de conférence. Exact. Et les 33 autres, c'est le comité, là? C'est ça, c'est at large. Là, at large, qu'on appelle. Exactement. Hein? Donc ça, puis t'as tout le temps des paris là-dessus, puis t'as les fameuses braquettes qu'on appelle, hein, les... Super populaire partout aux États-Unis. Moi, je fais la mienne chaque année. Comme moi aussi, même si je connais rien là-dedans, je m'amuse à faire ça. Tu prends les équipes qui ont des meilleurs noms, ben, souvent que t'aimes le plus. Hein. Moi, c'est dans mon cas, il y a des équipes comme j'ai des préférences. Comme à tous les années, moi, c'est l'Université Duke, ma préférée. Ouais, là, tu y vas, c'est gros nom, toi. Là, tu ne complètes pas la vie. Une grosse équipe. Là. Toi, je sais que t'aimes bien Vermont. Ouais, moi, je suis un gros fan de Vermont. L'Université du Vermont, écoute, mais t'as-tu vu un peu où joue l'Université du Vermont, le Patrick Gym? Ben, c'est petit, ça. Ben, c'est 3000 places, pareil. Oui, mais c'est pas comparé. Ah ouais, comparé, mais oui, mais t'es à Burlington, là. Mais ça pong, là. Le March Madness, c'est super populaire aux États-Unis. T'as tout le temps le président, là, Barack Obama, là, il fait sa prédiction à toutes les années. Mmh. L'an passé, il avait réussi, là. Ah ouais, mais l'an passé, Barack, il réussissait pas mal tout. C'est un grand fan de basket, puis c'est le fun de voir un peu toute la communauté artistique, tout s'en mêler. Puis, écoute, c'est des retombées économiques énormes pour les postes de télévision, CBS, là. Ah oui. CBS, maintenant, qui diffuse ça à longueur de journée, tu peux suivre tous les matchs sur leur site Internet aussi. Puis même sur Internet, l'an passé, dans mes cours... Faudrait pas que ma mère. Ouais, non, je le sais. Moi, tout, j'ai. Ben, gars, là, elle doit s'en douter de toute façon, avec les Olympiques qui étaient là. On s'est entendu qu'il y a bu ben des cours, j'ai écouté des matchs Finlande-Bélarus, là. C'est excellent. Ouais. Donc, non, c'est le fun à cette heure avec Internet, on peut écouter ça. Donc, c'est du basketball de grande qualité. Pour ceux qui connaissent plus ou moins le sport, puis ils veulent pas écouter la NBA, c'est du jeu carrément différent. Oui, c'est vrai, hein. Le jeu collégial, puis. Les matchs sont moins longs aussi. C'est juste. Deux demi au lieu de quatre quarts. Donc, c'est des scores moins élevés. Tu n'auras jamais des games 110 à 95, sauf que c'est tellement du bon jeu. Les règlements sont un peu différents. Ils misent plus sur le concept d'équipe que de vedette, comme la NBA, si on veut. Là. Ben, tu as aussi le fait, je trouve, que entre le basketball collégial et le basketball de la NBA, la différence, je trouve, c'est que tu as vraiment... aussitôt que le ballon est en jeu, tu te fais courir après. Tandis que dans la NFL, dans la NBA, ils seraient plus tous dans leur zone, c'est tout défensif, puis t'as moins de jeux comme ça, puis de pousser. Donc c'est un style de jeu très différent qui donne des matchs très excitants et non pas des matchs qui se terminent tout le temps dans la dernière minute comme dans la NBA. Puis aussi toujours le facteur full. Ça, personnellement, je trouve ça écœurant. Chaque université, sa foule, a une particularité différente. Par exemple, l'Université Duke, ils sont tous habillés en bleu. Ouais. Tout le monde saute. Ouais, c'est ça. Tout le match, tout le monde saute. C'est ça, je me demandais, ils vont-tu finir par installer des sièges au stade de Duke ou... Ah, je pense pas qu'il y en ait. Ouais, tout le monde est debout tout le long. Tu t'assis pas pendant un match de Duke, là. Non. Puis le pire, c'est que le stade n'est pas si gros que ça non plus. Puis il y a tellement d'ambiance, là. C'est un monde complètement différent de l'NBA. Puis t'as le Final Four, ça c'est dans le fond, c'est la finale à quatre équipes. Oui. Ça se déroule où cette année? Cette année, il est au je l'ai deux secondes. Il est au Lucas Oil Stadium à Indianapolis. Les stades des Colts. C'est tout le temps dans les stades de football. Ça veut dire ça que t'as à peu près 80 000 personnes qui regardent le match. Et ouais, c'est impressionnant. Il coupe pas le stade en deux, là, c'est vraiment la grosse configuration, dans le fond. C'est un gros happening, c'est ça. Ça débute quand, ça? Ça débute... Le 16 mars 2010? J'ai pas la date. Non, je l'ai, moi, c'est pour ça. Okay. 16 mars 2010, ça se conclut le 5 avril. Donc, 16 mars, c'est pas mal. Mardi prochain. Mardi prochain, tu vas avoir le match entre la 64e et la 65e position pour savoir lequel va accéder au tournoi, dans le fond. OK. Les quatre favoris, t'as Kansas qui sont numéro 1, t'as Kentucky numéro 2, okay. T'as les Orange de Syracuse qui sont numéro 3, et puis finalement, t'as Duke qui sont numéro 4. C'est bon. Hey, tu voulais nous parler de baseball aussi? Il te reste 5 minutes. Ben oui, la Ligue des Pamplemousses. Mmh. La bonne vieille Ligue des Pamplemousses. Ça a commencé ça la semaine passée. La Ligue des Cactus aussi. La Ligue des Cactus, c'est en Arizona, Pamplemousses, c'est en Floride. Ça, dans le fond, c'est le camp d'entraînement des équipes du baseball majeur. C'est quoi la différence entre les deux? Dans le fond, là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence. La seule affaire, c'est que les équipes, c'est pas la même configuration. C'est pas les mêmes équipes qui s'affrontent que dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale. OK, OK. Exemple, les Phillies peuvent être dans la Ligue des Cactus. OK. Puis qui vont jouer contre New York, qui sont aussi dans cette ligue-là. Tout dépendant de leur centre d'entraînement, dans le fond. Exactement. Puis l'an passé, j'étais allé à Daytona Beach, puis j'étais arrêté à un centre d'entraînement. C'était celui des Pirates de Pittsburgh. OK. C'était proche de Cocoa Beach, puis c'est impressionnant. Les gars sont à peu près 120 joueurs qui essayent tous de se faire une place à part les vétérans, on s'entend, là. Mm-hmm. Puis après les pratiques, les gars sont super accessibles. Ils jasent avec le monde sur le bord de la clôture, puis dans le fond, eux, ils vivent là, donc ils ont rien d'autre à faire ben. Fait que c'est super le fun. Tu peux approcher les joueurs super facilement, puis c'est impressionnant de voir ces gars-là lancer. La balle, elle rentre. Ça me demande après pourquoi ils font des millions, mais c'est pas pour rien, là. Ouais, puis même ici, t'as des gars là-dedans qui feront jamais pro, là, en plus, là. T'as des gars là-dedans qui vont être d'un pro, mais dans une petite ligue, dans le A, dans le 2A, dans le 3A. Ouais, ça, je veux dire, par pro, je veux dire, jamais dans la grande ligue, là, jamais ils vont faire le big show. Exactement. Puis cette année, là, on remarque le début de deux excellents lanceurs. À JP, il y en a même là-dedans qui vont finir dans la série Québec-Montréal. Probablement, ou dans la Ligue Canam avec les Capitales. On parle-tu du même, là? D'Éric? Hein? On parle-tu d'Éric Gagné? Non. Carl Gélina? Carl? Tu te souviens de Carl Gélina? Carl Gélina, ouais, il y avait eu des affaires de stéroïdes. Ouais, tout, mais il est joueur de hockey dans la série Québec-Montréal. Je savais pas. Tu savais pas ça? Oh, je savais pas, j'écoute pas ça. Ah, j'ai vu ça, moi, l'autre fois, puis j'ai fait comme le ouais, puis il en parle pas gros, justement, qu'il s'est fait pogner avec des substances illicites dans le sang. Écoute, je savais même pas qu'il jouait au hockey. Ben non, moi non plus. Mais ça a l'air qu'il... Ben, tu sais, t'as des gars qui ont été dotés d'un talent naturel pour beaucoup de sports, là. Faut croire que c'en est un, là. Ben, c'est souvent ce qui arrive aux États-Unis. C'est souvent des gars au baseball, ils sont tous au carrière, au football, parce qu'ils ont des bons bras, pis tout. Et ça arrive souvent que dans NCAA, plusieurs gars vont faire plusieurs sports. Je prends par exemple Randy Moss dans NFL. Il était receveur de passe avec l'Université Marshall, mais il était aussi leur meilleur joueur de basket. Il aurait pu jouer dans la NBA. Finalement, il a choisi la NFL. Ouais, ben même, vois-tu, avec Vermont, là, parce que tu sais que je suis quand même un joueur un fan de l'Université du Vermont. T'avais un joueur, justement, qui jouait au hockey l'hiver. J'essaie de te sortir le nom, là. Un joueur qui jouait au hockey l'hiver et qui joue au baseball l'été. OK. Mais là, il vient de se faire mettre dehors de l'équipe, là, donc problème de comportement. Ouais. Par exemple, on va rester dans le baseball majeur, t'as Joe Mauer, l'excellent catcher avec les Twins du Minnesota. Ouais. Lui, c'est un excellent joueur de football. Il aurait pu aller du côté du football, sauf finalement, il a choisi le baseball. T'imagines-tu les gars qui décident d'un sport ou qui se trompent? Ça, c'est sûr que ça arrive tout le temps. Pauvre gars. Tu sais, Tom Glavine, là, qui décide finalement d'aller au camp des Kings de Los Angeles, là. Too bad. Désolé. Hey, il reste plus grand temps, sais-tu? Déjà. Fait que, dernière question, ben vite, là. Ouais, trouves-tu que la pré-saison du baseball, surtout avec le nombre de matchs dans la saison, c'est trop long? Non, moi, j'aime ça. OK. Moi, j'aime ça. Je trouve qu'à la Ligue des Pamplemousses, là, on a hâte que la saison commence. Là-bas, il fait beau, les gazons sont beaux. Ça, tu as hâte à fin avril. C'est juste dommage qu'il n'y ait plus les expos. Ah, ben ça, c'est sûr que... Puis il n'y en aura plus jamais d'expo, hein? Non, ça m'étonnerait bien gros. À moins que... qu'on gagne des millions, puis on... Ouais, à moins on que... va ramener un club, là. Faudrait probablement que la ville de Montréal commence par se donner un coup de pied en quelque part, puis décide de devenir quelque chose et d'essayer de reprendre le titre qu'elle avait quand elle était une ville décente jusqu'à la fin des années 70. Et mais non ça, plus. C'est la mentalité du sport au Québec. Donc. Oh, c'est pas juste dans le sport, Montréal. C'est une ville de. Depuis fin des années 70. Là, depuis. J'ai plein de temps à dire, depuis que le PQ et la loi 101 sont arrivés. Là, c'est sûr que c'est pas juste ça. Il y a plusieurs autres facteurs, mais quand tu regardes à quel point Toronto a monté et Trois-Rivières a tombé. Pas Trois-Rivières. Montréal a tombé. Ça s'est en allé dans toutes les choses. Fait que après ça, ben, il y a tellement moins de vouloir. Je pense que Montréal a besoin d'un maire comme Québec. Mais là, on s'éloigne des sports. Hey, je te remercie beaucoup, JP, d'avoir été avec nous cette semaine. Fait que à la prochaine. Tu vas nous parler encore plus de March Madness, puis ça va aller, là, dans le fond. Ouais, là. Ça commence, dans le fond. Mardi prochain, donc tu nous fais une prévision des équipes en force mardi prochain? Exact. C'est parfait, thank you, JP. Salut. Calendrier, on y va, Pierre-Luc. Comme je disais, les Patriots, bon, on va être en action. C'est contre Western. Ça va être samedi à 19h, le 13, ici même à Trois-Rivières. C'est sur les ondes de TV Cogeco. Par contre, déplacez-vous, s'il vous plaît. Je pense que les Patriots vont avoir besoin vraiment d'un appui majeur au niveau des foules pour leur donner un petit boost, parce que ça sera pas facile comme Western. Au soccer, c'est les séries qui commencent. Les Pats vont être en action contre McGill. Les filles vont être en action contre McGill, justement, à Saint-Eustache. Et les gars contre les Redmond à 16h, ici même, au Centre Alphonse Desjardins. Pierre-Luc? Oui, au hockey junior, les Cataractes qui terminent leur saison cette fin de semaine, alors que vendredi, ils recevront les Olympiques de Gatineau et dimanche, ils recevront les Tigres de Victoriaville. Quant aux Tigres, ils seront à Lewiston vendredi et, comme je l'ai dit plus tôt, à Shawinigan dimanche. Et les Voltigeurs de Drummondville qui ont trois matchs avant de terminer la saison. Un à Lewiston mercredi. Ils sont de retour au Centre Marcel Dion vendredi pour affronter les Foreurs. Et dimanche, ils terminent la saison contre les Maniacs, contre d'ailleurs l'équipe qui l'affronteront en première ronde des séries éliminatoires. Quant aux Estacades, ils sont au Lac Saint-Louis ce soir pour le quatrième match de la série entre ces deux équipes. Et ils seront de retour jeudi au Centre Alphonse Desjardins pour y affronter encore une fois le Lac Saint-Louis dans le cinquième match de la série. Et au hockey masculin encore, les Dragons du Collège de la Flèche sont en action à Trois-Rivières vendredi contre Yonegrou et samedi à Saint-Laurence contre justement le cégep Saint-Laurence. Et je termine en vous parlant d'un spectacle qui va avoir lieu ce vendredi à 20h. C'est au Centre d'Alphonse Desjardins. Ça s'appelle Le Patin. Ceci n'est pas un patin. Ils sont venus me livrer un patin vraiment de fantaisie ce matin. Blanc, là, vraiment très beau. C'est un spectacle de justement de patin antique, mais qui repousse tous les stéréotypes et tout ça. L'affiche, pour te dire, il y a trois gars à poil qui se la cachent avec un patin devant eux autres, avec deux filles qui regardent. Donc, ça a l'air très spécial. C'est peut-être ça que le patinage artistique a besoin pour se démarquer et on peut être vu comme un sport. Ça a été parlé un peu aux Olympiques, justement, qui est un sport qui a des tendances homosexuelles, mais qui s'en va vers ça un petit peu. Et peut-être plus comme un sport où est-ce qu'il y a des vrais athlètes qui font des choses, qui font des mouvements, vraiment des je veux pas dire pirouettes, là, mais des passes qui sont qu'il faudrait peut-être réaliser que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, au contraire. Et on se laisse en musique, on s'en va écouter Bernard Adamus avec la chanson Cauchemar de course. Merci d'avoir été là tout le monde cette semaine. On se revoit la semaine prochaine, comme d'habitude. Hein? On change pas nos bonnes habitudes. Vous étiez à l'écoute de La Conduite de partie pour JP Grenier et Pierre-Luc Giroux, je suis Nicolas Duchamp. Bonne semaine tout le monde. Merci, bonne semaine. J'ouvre les yeux, pis j'vois Saint-Pierre, tu pointes toi et deux biens, sont dans la glacière. Pis il me dit, hey!